Bonsoir Dominique. Bonsoir, il fera bon vivre ce soir sous les étoiles avec des minima de 10 à 12 degrés. Et puis demain, le temps sera sec, ensoleillé. Les conditions estivales, température 23 à 27 degrés. Il faudra en profiter jeudi, peut-être quelques nuages à l'horizon. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. On appelle ça de l'illettrisme numérique, être incapable d'envoyer un email ou bien de faire un virement sur le net. Janine, 80 ans, elle y est parvenue à s'y mettre. Les gens qui n'ont vraiment aucune notion, mais comment est-ce qu'ils vont faire? Sincèrement, ils sont exclus. Reportage à Carnion, dans un instant avec Simon Gérard. Méfiez-vous du vendredi quand vous conduisez vos enfants à l'école. C'est le jour le plus dangereux d'après l'IBSR. On posera 3 questions à son porte-parole. À 15 jours de la rentrée dans les universités, visite dans des tout nouveaux studios à Namur, studio haut de gamme avec salle de fitness et bureaux climatisés. Un type de logement qui se multiplie à la demande des étudiants. Deuxième entraînement pour les Diables Rouges ce midi avec leur nouveau coach, Martinez et Henri. Titi Henry, l'idole de jeunesse de Christian Benteke, on l'entendra. Des extraterrestres nous ont-ils envoyé un message l'an dernier? En tout cas, des experts russes auraient capté un puissant signal provenant de loin, très très loin, 95 années-lumière de la Terre. Un astrophysicien belge nous dira ce qu'il faut en penser. Le journal sur Vivacité, c'est avec Lionel Denebourg. Bonsoir Lionel. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Êtes-vous capable de faire un virement sur Internet ou bien envoyer un email? La réponse est non. Alors vous êtes un illettré numérique, comme le dit la Ligue des droits de la Ligue des familles. D'après son enquête, un Belge sur 5 est incapable d'envoyer un email et la moitié est incapable de faire un virement sur le web. La Ligue des familles demande qu'on investisse davantage dans la formation. Savoir taper, se servir d'une souris, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça prend parfois des années. Simon Gérard s'est rendu dans un espace public numérique à Carnion, dans le Hainaut, qui offre des formations pour maîtriser son ordinateur. Reportage. Bon, on n'a pas bien marqué. Bah non, t'as marqué, je sais pas comment. Quand, qu'est-ce que c'est ça? Bon, Janine et Marie-Paul sont encore un petit peu hésitantes devant un écran d'ordinateur. Il manque un thé. Mais ces deux retraités savent se débrouiller sur le net. Email, compte Facebook, paiement en ligne, Skype. Il aura fallu tout de même des années de formation pour maîtriser ces outils. L'informatique, pour les personnes âgées, c'est compliqué. Oui, que c'est compliqué. Il y a énormément de choses à retenir. Et quand ce sont des choses qu'on ne fait pas régulièrement, ben c'est encore pire. Et oui, les personnes âgées ne sont pas tombées dans la marmite quand elles étaient petites. L'écran, les icônes, c'est tout un langage à apprendre. Le plus dur, se souvient Marie-Paul, c'était de maîtriser la souris. Parce que la flèche, en fait, on n'arrivait pas bien à la manipuler. Alors, on n'arrivait pas. Clic droit, clic gauche. Difficile donc, mais quasi indispensable aujourd'hui. Pour Geoffrey Minck, qui donne cours d'informatique, les personnes qui ne savent pas se servir d'un ordinateur vont se sentir de plus en plus exclues. Il y a de moins en moins de services. On se rend compte qu'on est au tout numérique. Pour les personnes qui n'ont aucune notion d'informatique, ça risque d'être très très compliqué. Et pourtant, l'informatique, ça peut être fun. Janine a eu un petit peu de mal à s'y mettre, mais aujourd'hui, elle s'amuse sur son ordinateur. Elle joue à plusieurs jeux sur le net, au point de devenir un petit peu accro. Moi, j'ai mis les conditions à mes gamins. J'ai dit, le jour où je rentre au home, je veux un ordinateur et Internet. Voilà pour le reportage de Simon Gérard à Carnion. Notez que près de 9 Belges sur 10 disposent toutefois d'un accès à Internet. Des chiffres très mauvais pour les restaurants bruxellois cet été. Les touristes japonais, chinois et américains ont déserté la capitale. C'est ce que nous dit Horeca Bruxelles. Le chiffre d'affaires provisoire serait en baisse de 15 à 20%. Nettement plus positif par contre côté wallon, l'Observatoire wallon du tourisme dresse le bilan de la saison. Bilan dans le vert avec un taux d'occupation des hébergements de 70% environ. 8 professionnels du tourisme sur 10 se disent très satisfaits de juillet. Écoutez Barbara Destré, la commissaire générale au tourisme en Wallonie. C'est un bilan très positif parce que quand on prend un peu de recul et qu'on regarde, l'impact de la météo est connu. Le mois de juillet a été très mauvais jusqu'aux alentours du 15-20 juillet. La crise économique a un impact certain également en termes de fréquentation touristique, de même que le climat général post-attentat. Et donc, malgré ces différents facteurs assez compliqués, eh bien, on constate une grande stabilité dans la fréquentation des hébergements touristiques wallons, ce qui pour nous est vraiment un signe déterminant de la bonne saison touristique 2016. On observe par contre un léger tassement en ce qui concerne les attractions et les musées. Tout à fait. Quand on creuse un peu, on peut se rendre compte d'une part de l'impact de la météo, mais également du fait que certaines grandes manifestations qui avaient lieu l'année dernière, telles par exemple le bicentenaire de Waterloo, mais n'ont pas eu lieu cette année. Une interview de Rudy Hermans. Quant au public qui vient en Wallonie, il est composé d'un tiers de Néerlandais et d'environ un tiers de Flamands. Vous faites peut-être partie de ce 1,5 million de Belges qui prennent des statines, des médicaments contre le cholestérol. Ce sont les plus vendus dans les pharmacies belges, en tout cas en 2015. En 10 ans, leur nombre a augmenté de 60% avec une stabilisation ces 3 dernières années. Des versions moins coûteuses de ces médicaments existent. Elles permettraient une économie potentielle de 50 millions d'euros pour le budget de l'INAMI. C'est une estimation des mutualités chrétiennes. Toujours en 2015, l'INAMI a consacré environ 137 millions d'euros au remboursement de ses anticholestérol. Une mise en garde à 2 jours de la rentrée des classes. Faites attention au vendredi quand vous conduisez vos enfants à l'école. C'est le jour le plus à risque. C'est ce que nous dit l'Institut belge pour la sécurité routière. Avec nous pour en parler, Benoît Godard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'IBSR. Alors le risque d'accident le vendredi qui est beaucoup plus élevé, comment on l'explique ? Oui, c'est vrai que plus la semaine passe, plus le risque d'accident est élevé et culmine le vendredi soir. Il y a par exemple 70% de victimes en plus le vendredi soir que le lundi matin. Alors probablement deux explications. Un, l'euphorie, non seulement l'euphorie d'avoir terminé l'école, mais en plus d'entrer en week-end pour le vendredi soir. Et deux, la fatigue, puisqu'on voit qu'au fur et à mesure que la semaine passe, on recense un nombre de plus en plus élevé d'accidents, donc certainement que la fatigue joue également un rôle. Alors un autre constat que vous posez, c'est que les accidents, ils sont plus fréquents à la sortie des cours. Oui, c'est vrai que globalement, on recense 50% d'accidents en plus à la sortie des classes qu'au début des cours, et également le mercredi. Le mercredi, tous les enfants quittent l'école pratiquement en même temps, ça engendre vraisemblablement une densité de trafic et des interactions inhabituelles pour les autres usagers à cette heure. Et donc, c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a plus d'accidents à la sortie des classes, en particulier le mercredi, et aussi au fur et à mesure que la semaine passe. Et de manière globale, donc, la route de l'école, entre guillemets, elle est particulièrement dangereuse pour les enfants et les ados. Oui, la route vers l'école ou de l'école est très dangereuse, puisqu'on y recense 40% des victimes accidentées. Soulignons que les accidents ne se produisent généralement pas aux abords immédiats de l'école, mais plutôt dans une zone un peu plus éloignée, qui va jusqu'à 300 mètres de l'école. Donc ça montre la nécessité de rester prudent, de bien stationner, par exemple, non seulement aux abords immédiats de l'école, mais dans une zone un peu plus éloignée. Merci Benoît Godard, porte-parole de l'IBSR. Ajoutons encore une proportion à méditer juste avant la rentrée. Seulement un enfant sur 3 est attaché correctement au moment d'aller à l'école. Dans 12% des cas, les enfants ne sont même pas attachés du tout en voiture. Fini les côtes crado, voici les résidences de standing pour étudiants. Après Louvain-la-Neuve, Bruxelles ou Liège, Namur inaugure aujourd'hui 150 nouveaux studios, haut de gamme entre guillemets, avec des espaces fitness et des salles d'études climatisées. Visite des lieux avec François Lui. Les studios eux-mêmes ne sont pas spécialement luxueux. 20 mètres carrés, un lit, un bureau, une douche, un espace pour cuisiner, rien de scandaleusement riche. Surtout quand votre fenêtre donne sur une voie rapide ou sur les rails du chemin de fer. Non, le luxe de cette nouvelle résidence étudiante namuroise est ailleurs, dans les espaces communs. Un vaste foyer, fauteuil, coussin, télé, un jardin, un espace fitness et même deux salles d'études. Thibaut Van Dieren, directeur général d'Eckelmans, le promoteur. Oui, on a commencé à en faire vraiment une à Liège. J'en suis rendu compte qu'elle avait énormément de succès. Elle était sous-dimensionnée. Donc ici, vraiment, on a mis un accent en particulier. Donc on a fait deux salles d'études de 20 places climatisées parce qu'elle a aussi juin-juillet, il faut pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Ce standing, bien entendu, a un prix. D'autant qu'il faut un concierge pour garder un œil sur tout ça, dont coûte 500 euros charges comprises pour un studio de 18 mètres carrés et jusqu'à 650 euros pour des studios un peu plus grands. Des résidences comparables inaugurées ces dernières années à Liège et Louvain-la-Neuve prouvent qu'une demande existe pour ce type de logement. Les étudiants français, de plus en plus nombreux chez nous, représentent une bonne part de cette clientèle. Le reportage de François-Louis à Namur. En France, c'est un poids lourd de la politique qui s'apprête à quitter le gouvernement. La démission d'Emmanuel Macron, elle n'est pas encore officielle, mais le jeune ministre de l'économie aurait bien rendu son poste au président François Hollande. Il annonce à l'instant sur Twitter qu'il s'exprimera dans trois quarts d'heure. Cela fait plusieurs mois maintenant qu'Emmanuel Macron devenait gênant pour le gouvernement socialiste. Il pourrait se lancer dans la future course à la présidentielle. Et justement, c'est un débat qui agite la politique française depuis plusieurs semaines maintenant, le débat sur le burkini. L'ONU demande aujourd'hui la levée de son interdiction. Précisément, c'est le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui lance cet appel aux municipalités. L'agence de l'ONU parle d'une réaction stupide qui n'améliore pas la sécurité du pays, mais qui alimente par contre l'intolérance. C'est une amende record, 13 milliards d'euros, une somme que le géant Apple va devoir rembourser à l'Irlande. La Commission européenne l'a annoncé ce midi. Elle estime que la société américaine a bénéficié pendant des années de cadeaux fiscaux. L'Irlande et Apple feront appel de cette décision. Deuxième entraînement aujourd'hui pour les Diables Rouges avant leur match amical contre l'Espagne, ce sera jeudi. Les joueurs semblent déjà habitués à leur nouveau coach, Roberto Martinez bien sûr, l'Espagnol, mais également le Français Thierry Henry, l'une des idoles de jeunesse justement de l'attaquant Christian Benteke. Ça se passe plutôt bien. Je pense qu'on a bien accueilli le nouveau staff, et ils nous ont très bien accueillis. Et je pense que ça se passe plutôt bien et on se prépare pour les deux matchs à venir. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris finalement, la nomination de Martinez ou celle de Henry? Un peu des deux, parce que voilà, c'est pas forcément les premiers noms qu'on se met dans la tête quand on parle de nouveau staff ou de nouvel entraîneur. Il fait partie des attaquants que vous admiriez, vous, étant jeune? Je pense que tout le monde le sait. Moi, je dirais pas idole, mais mon exemple, c'était lui, étant jeune. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec lui. C'était la manière dont il jouait et le charisme qu'il pouvait dégager. Non, physiquement, je ne l'avais jamais rencontré. Comme quoi, après tant d'années, on se retrouve et on peut travailler ensemble de manière professionnelle, donc c'est bien. Un Christian Benteke au micro de Manuel Jousse. On notera aussi que le jeune Anderlechtois Leander De Donker a été rappelé par le sélectionneur vu le forfait de Marouane Fellaini. Un mot de golf pour vous signaler cette bonne nouvelle pour Thomas Peters. L'Anversois a été sélectionné pour la Ryder Cup, cette compétition qui oppose le gratin européen aux golfeurs des États-Unis. Ce sera dans un mois tout juste. Thomas Peters sera le deuxième Belge a disputé la mythique épreuve. Nicolas Colsartz y avait participé en 2012. Ce sera un panel de choix qui sera présent la semaine prochaine au Mémorial Van Damme de Bruxelles. Pas moins de 40 athlètes médaillés des Jeux Olympiques de Rio seront présents, dont 13 médaillés d'or et parmi eux évidemment la Belge Nafis Atoutiam. Des extraterrestres cherchent-ils à communiquer avec la Terre en nous envoyant un signal? Bon, celui-ci, évidemment, c'est de la pure imagination. N'empêche, un télescope russe aurait détecté un puissant signal. Le doute s'est toutefois permis, puisque le signal n'a été repéré qu'une seule fois, à 95 années-lumière de la Terre. Alors, E.T. cherche-t-il à rentrer en contact avec nous, ou s'agit-il d'une pure supercherie? Écoutez le sentiment d'Alain Jorissen, il est professeur d'astrophysique à l'ULB. Il faut être extrêmement prudent parce que l'annonce a été faite sur un blog et non pas dans une revue scientifique avec comité de lecture. Cette annonce est peut-être une réplique d'une annonce importante faite la semaine dernière par une équipe européenne de la découverte d'une planète en orbite autour de l'étoile la plus proche de notre Soleil. La mesure a été faite avec un radiotélescope qui est une couronne. Ce radiotélescope a la particularité d'avoir ce qu'on appelle des lobes secondaires, des oreilles qui écoutent le signal dans des directions qui n'est pas la direction dans laquelle pointe le radiotélescope, mais des directions auxiliaires. Le signal observé pourrait être un parasite causé par un avion ou un satellite qui passait dans la direction écoutée par les lobes secondaires. Voilà pour l'interview d'un professeur d'astrophysique au micro de Maureen Van Damme. Donc voilà, peu de chance que ce soit des extraterrestres. Hein, Cyril, on est un peu déçus. On est déçus, mais moi je suis content que vous ayez sorti un gros bruitage et donc on a des moyens, la rédaction. Ça, c'est du lourd, hein. Ah oui, oui, est-ce qu'on l'a encore sous la main pour pouvoir se remettre dans l'ambiance parce qu'on y était non, presque. On fait signe que non. Ah bah, et quand on a avec du la budget... bouche. Ça, c'est la soupe aux choux. Bah, allez-y, faites-le, vous. Faites-le, Martien. Bah, dis, Théo. Moi, j'ai des moyens techniques, monsieur. Merci, Lionel. On vous retrouve tout à l'heure à 17h30. On part sur les routes tout de suite. Un point sur l'état de la circulation cet après-midi. C'est le RTBF Mobile Info. Oui, avec toujours des soucis liés à ce camion couché sur le flanc. Sur le 19, Bruxelles-Valenciennes à hauteur de Jemap. Chaussée fermée en direction de Valenciennes. Déviation mise en place, mais pas mal de répercussions sur la N6 venant de Soigny ou la N552 juste à côté. Donc, évitez le secteur si c'est possible pour vous. Autre accident qui implique plusieurs véhicules sur le 42 Liège-Namur à hauteur de Huy-Héron. Passage difficile en direction de Namur puisque 4 véhicules semblent impliqués dans cet accident. Au niveau de Bruxelles, ça ralentit sur le ring en circulation extérieure. Zaventem, Grand Bigard, plus 20 minutes. Circulation intérieure, Grand Bigard, Zaventem, plus 10 minutes. Et puis ce véhicule en panne à vous signaler à l'entrée du tunnel Louise. C'est la bande de droite qui est neutralisée vers la basilique. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. La Pro League. La Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Et dans ce 5 à 7 ce soir, on va s'intéresser à un classement, celui du site InterNations. L'idée, c'est de faire un rapport sur les pays, le classement des 10 pays les plus agréables à vivre en tant qu'expatrié. Alors ce soir, on va rêver. Imaginons que vous partez pour une mission à l'étranger. C'est où? Où est-ce que vous rêvez de travailler? Un autre pays, on quitte la Belgique, on va ailleurs. Si vous avez une idée, 3063 par SMS. Et si vous l'avez déjà fait, est-ce que vous avez déjà été expat? Dites-le moi, venez raconter ce qui s'est passé pour vous, comment vous avez vécu cette expérience. 3063 par SMS, c'est 50 centimes le message. Ou alors je vous attends aussi sur la page Facebook 5 à 7 via cité RTBF. Et je vous donnerai le classement donc des 10 pays où il fait bon vivre quand on est expatrié. On s'intéressera aussi à quelqu'un qui buzz énormément. Il s'appelle Average Rob. Alors il est belge, malgré le pseudo qu'il a sur internet. Et il a un compte Instagram avec plus de 19 000 abonnés. C'est des gens qui regardent toutes les photos qu'il met. Et pour cause, elles sont toutes retouchées et elles sont drôles. À chaque fois, il met en scène des personnalités du monde politique, de la musique, du sport. Ça cartonne pour lui. Il sera l'invité de ce 5 à 7 dans quelques minutes sur Vivacité. On parlait de la wildcard qui a été distribuée à un Belge pour la Ryder Cup. On y reviendra tout à l'heure avec Thierry Luthers qui viendra nous expliquer à quel point c'est énorme cette info, à quel point on peut être fier d'avoir un Belge qui participera à cette Ryder Cup. Et à propos de sport, il y a une grosse action qui arrive pour soutenir nos amis de Cap 48. Vous savez que toute la RTBF est derrière l'action Cap 48, tous les animateurs sont derrière et il y a une sortie en karting qui est organisée. Et quand je dis sortie, c'est de la grosse sortie. 24 heures de karting, ça va se passer à Spa-Francorchamps. On y revient dans quelques minutes parce que vous pouvez aider, contribuer à faire un succès de ce défi. On en reparle tout à l'heure dans le 5 à 7 sur Vivacité. Retour aussi sur les tendances de la rentrée parce que c'est jeudi la rentrée des classes. Alors on parle beaucoup de rentrée en ce moment, c'est normal. On est en plein dedans. Mais c'est quoi la tendance? Comment il faut être habillé? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme accessoire pour être le plus tendance pour cette rentrée? La réponse tout à l'heure dans le 5 à 7. Et puis on viendra aussi sur ce drame après le journal de 18h avec cet incident qui s'est déroulé dans une petite ville tranquille de Wallonie. Une fille et son papa qui ont été abattus par l'ex-compagnon de la fille. Et ils sont tout jeunes pourtant. Ils ont à peine 16 et 19 ans. comment gérer une rupture quand on est ado. Vous êtes peut-être passé par là sans que ça se finisse par un drame, mais c'est pas facile quand on est ado. On a son petit cœur qui fait très très mal quand il y a une rupture. Comment gérer ça? Comment en tant que parent vous pouvez les accompagner? On y reviendra tout à l'heure dans le 5 à 7. Il y aura des cadeaux aussi. Bah, nous voilà partis jusqu'à 19h ensemble. Bienvenue, merci d'être sur Vivacité. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. C'est la rentrée, mais on est encore de sortie. Nous vous attendons samedi au pied des éoliennes de Perouet, dans le Brabant Wallon. Nous aurons toute la place pour pédaler entre le domaine viticole de Melmont, le prieuré de Malève-Sainte-Marie-Ouestine et Torrembel et Béguine. À l'arrivée, juste avant l'apérobic, le grand retour des Charlots. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore Essoliver. Info sur poincaré.eu. Vivacité et la ville de Charleroi présentent le cortège des 350 ans de Charleroi. Le samedi 3 septembre, géants, sidérurgistes, mineurs, verriers retraceront les grandes étapes de l'histoire de Charleroi. De 17 à 19h de la place Charles II au quai de Sambre. Présence exceptionnelle de l'Homogang. Groupes musicaux et chorales sur tout le parcours. En télé sur la Une. Elle est sortie de ce sac de sport et tout ce qu'elle a vécu avant, elle l'a oublié. Tous ces tatouages sont récents. C'est une carte au trésor. Chaque tatouage est une clé. Chaque clé conduit à un crime. Blindspot, les trois premiers épisodes, ce mardi sur la Une. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois? On croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey? On croit rêver de 23h à minuit avec Régine Dubois et Vivacité la nuit avec Bernard Dewey. Vivacité vous accompagne 24h sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit? Les émissions, l'info, les animateurs, la météo, les résultats sportifs, les concours, les coulisses, des blogs exclusifs, l'écoute en direct ou quand vous voulez. Vivacité.be, c'est tout Vivacité et encore plus dans votre PC. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors demain, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité. Vivacité matin, info et bonne humeur. Vivacité. Dès 4h30. 17h, 19h. 5 à 7 sur Vivacité. Ce soir dans le 5 à 7, je vais vous parler d'un artiste que vous avez peut-être déjà entendu parler, enfin dont vous avez déjà entendu parler, on va essayer de parler même français pour cette émission, ce serait plutôt pas mal, c'est Average Rob. Alors vous avez peut-être déjà croisé ses photos quelque part, ce gars fait des montages, il est un as du Photoshop et il se met dans des situations où à chaque fois c'est drôle, il y a des hommes politiques, des gens de la musique, du sport qui sont autour de lui sur ses photos. Average Rob est avec moi ce soir dans le 5 à 7, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ce soir l'invité de cette émission. Alors, vous avez plus de 19 000 abonnés sur votre compte Instagram. C'est là que vous postez vos photos. C'est la folie. Vous y attendiez quand vous avez démarré ça? Ben, pas vraiment. Ça fait un an maintenant que je fais ça. Et je suis à 21 000 maintenant, donc ça va vite. C'est bien. Et alors, ça vous permet de gagner de l'argent ou pas, de faire des montages photos comme ça et de les poster? Ben, pas directement, mais ça a déjà ouvert... des portes, des opportunités. Alors, c'est quoi? C'est des gens qui vous appellent parce que vous maîtrisez particulièrement bien la retouche photo, alors? Ouais, pour quelques trucs, oui. Pour d'autres, c'est plutôt l'humour qu'ils aiment bien. Et comme ça, je travaille avec eux, je fais des vidéos, un truc comme ça. Alors, expliquons un petit peu ce que vous faites, parce que bon, on est à la radio, on va décrire, par exemple, vous avez trafiqué une photo des Diables Rouges dans l'avion avant leur départ pour l'Euro. Comment vous viennent les idées et est-ce que parfois vous mettez des limites en disant non, ça je peux pas faire, parce qu'on vous voit avec Barack Obama aussi, on vous voit avec tout le monde. Ouais, ben les idées en fait ça vient comme ça. Souvent, je sais quelle célébrité j'aimerais bien faire. Et puis alors, je check Google, mon ami, et je regarde les images. Et puis alors, je scroll jusqu'à quand il y a un clic, et puis alors je sais exactement ce que je peux faire. Donc c'est, ouais, c'est plutôt comme ça. On vous voit, entre autres, faire le ménage pendant que Donald Trump est en train de poser. Vous imaginez un jour que une personnalité vous appelle en disant « Non, ben, quand même, on ne va pas faire le ménage en soubrette à côté de moi. » Ben, ce serait bien, ce serait marrant. J'aurais bien pu parler avec une de ces personnalités. Vous avez déjà eu le cas? Il y a quelqu'un un jour qui vous a déjà appelé pour parler de vos montages? Non, pas vraiment. C'est assez nouveau. Ben, ce serait la consécration, peut-être qu'un jour une des personnalités vous appelle. Vous en sortez tous les combien de temps des photos? Ben, environ tous les 2 à 3 jours. Maintenant, en fait, il y a 10 minutes, je viens de poster un nouveau avec Taylor Swift. Donc, ouais. Peut-être si vous voulez le voir, vous devez le checker. Ah ben, on va aller dessus, on va le partager d'ailleurs sur la page Facebook de l'émission, voilà. Sur la page 5 à 7 via Cité RTBF. On va mettre plusieurs de vos montages, comme ça tout le monde va pouvoir voir de quoi on parle. Ouais, c'est ça. Quand vous avez lancé ça, c'était juste pour vous amuser ou bien il y avait un but, un autre but derrière? Mon seul but, en fait, c'est de faire rigoler un peu les gens, parce que je trouve qu'il y a assez de pessimisme et assez de haine dans le monde pour le moment. Donc, j'essaie un peu de mettre un peu de trucs rigolos pour que les gens soient un peu contents dans cette vie. Vous avez bien raison. Je dis pas que mon truc aide beaucoup, mais je crois qu'il y a des gens qui trouvent ça assez rigolo. Donc, Ah bah en tout cas, ouais. Oui, ça permet de se détendre. C'est bien drôle à aller voir. On va vous mettre des exemples. Et alors, l'accès à votre compte Instagram sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans le 5 à 7, en tout cas. Et puis, vous en faites un jour avec l'équipe ici, alors? Ouais, ça va. Eh bah, comme ça, on vous accueille virtuellement dans l'équipe. À bientôt. Ouais. Bonne soirée. Et donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dans quelques minutes. On vous met tout ça sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Venons-en à ce classement, le top 10 des pays où il fait le plus, où voilà, on est le mieux accueilli quand on est expatrié. Alors c'est un site internet, le site Internations, qui a fait pour la troisième fois un rapport annuel. Il y a eu 14 000 personnes sondées, 174 nationalités dans ce sondage. Et donc l'idée est d'avoir le classement des 10 pays les plus agréables à vivre en tant qu'expatrié. Les critères, c'est les offres de loisirs, le bonheur personnel, les transports, les voyages, la santé et le bien-être, la sûreté et la sécurité aussi. Donc ça, c'est pour la partie qualité de vie. Et alors, l'idée, c'est aussi de voir au niveau finance comment ça se passe dans tous ces pays. Alors, en numéro 10, dans ce classement, il y a la République tchèque. Voilà, je ne sais pas si vous êtes déjà allé là-bas. La République tchèque, en tout cas, apparemment, c'est pas mal. C'est dans le classement des pays où on se sent mieux quand on est expatrié. Dites-moi d'ailleurs, si vous rêvez d'aller travailler quelque part ou si vous avez déjà eu l'occasion de vivre cette expérience, 3063, je vous attends par SMS. En 9e place, c'est juste à côté de chez nous. Et ça, c'est peut-être plus surprenant. En tout cas, personnellement, je crois que c'est plus l'aspect finance qui fait que ce pays s'en retrouve là. C'est le Luxembourg. Voilà. Parce qu'on ne va pas dire que c'est la météo qui permet au Luxembourg d'être en 9e position. 8e, c'est nos amis autrichiens. C'est là-bas qu'on se sent bien. Probablement à cause de la musique. Voilà, je crois que quand on est dans cette ambiance musicale-là, on ne peut que se sentir bien en Autriche. Je vous donne la suite du classement dans quelques minutes sur Vivacité. On va accueillir Thierry Luters aussi dans un instant pour la suite de ce 5 à 7. Et puis c'est pas tout, vous allez repartir avec des cadeaux. Bougez pas, la suite du 5 à 7, c'est dans un tout petit instant. Et au niveau cadeau, je vous emmènerai à Dinan Évasion, le parc Dinan Aventure. Ah, il y a des choses à faire là-bas. Vous allez vous faire des muscles, prendre le soleil et vous amuser en famille. Bougez pas, tout ça arrive dans quelques minutes. Ce soir, sur Vivacité, découvrez Encore un soir, le tout nouvel album en français de Céline Dion. J'ai jamais rien demandé. Céline Dion est enfin de retour. Écoutez-la ce soir dès 19h dans le Tip Top de Vivacité et ramenez-la chez vous. Vivacité vous offre son nouvel album, Encore un soir. Viva Bruxelles présente les croisières guidées de Brussels by Water. Jusqu'au 31 octobre, venez découvrir nos voies d'eau de la manière qui vous plaît. Courte croisière jusqu'à Anvers ou croisière apéro en soirée, il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi ne pas vous déplacer en bateau avec le Waterbus ? Info brusselsbywater.be. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Commencez l'année scolaire du bon pied chez Shoe Discount. En ce moment, plein de prix super bas. Rendez-vous vite chez Shoe Discount ou sur shoediscount.be. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi, 350 ans, le week-end anniversaire des 2, 3 et 4 septembre. Accès exceptionnel à de nombreux sites historiques, dont l'hôtel de ville et son beffroi, les puits sous la place Charles II et la forteresse hollandaise. Réservé à la maison du tourisme au 071 86 14 14. Vous écoutez Vivacité, il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Lionel Denebourg. Les hôteliers, les restaurateurs wallons ont le sourire, bilan de l'été positif d'après l'Observatoire wallon du tourisme, avec un taux d'occupation des hébergements de 70% environ. Un peu moins bon par contre pour les parcs d'attractions, 4% de visiteurs en moins. Attention que ce bilan ne prend pas en compte cette dernière semaine de soleil. La tendance pourrait donc remonter. En France, l'Élysée vient de le confirmer. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, quitte le gouvernement socialiste pour se consacrer entièrement à son mouvement politique, dit la présidence française. Emmanuel Macron qui pourrait se lancer dans la course à l'élection présidentielle de 2017. En golf, encore cette bonne nouvelle pour Thomas Peters, il est sélectionné dans l'équipe européenne de Ryder Cup. Cette épreuve mythique qui oppose les États-Unis à l'Europe, ce sera dans un mois. L'Anversois récompensé après sa 4e place aux Jeux Olympiques de Rio. Merci Lionel, prochain point sur l'actu à 18h. On jette un coup d'œil à la météo, Dominique. Avec une nuit très agréable en perspective sous les étoiles, 10 à 12 degrés. Puis demain, temps sec, toujours des conditions bien ensoleillées, bien estivales, des températures comprises entre 23 et 27 degrés. Un temps qui devrait continuer dans ce même genre de schéma tout au long de la semaine. Ceci dit, temporairement, jeudi, un peu plus de nuages et une averse isolée. Merci Dominique, il est l'heure de partir sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info, on retrouve Adrien Demey. Non, c'est Antoine Binavé. Ah ben Antoine Binavé, pardon. Mais pas de soucis, j'imagine que c'est bien aussi quand même. Ah bah, je le dis ou pas? Dites-moi. C'est encore mieux. Oh, écoutez, mais je lui dirai la même chose quand ce sera lui. Oui, hein. Bah, je me doute, sinon ça ne va pas aller. Sinon. Écoutez, on a quand même pas mal d'embarras de circulation. Un véhicule sur le toit, sur le 19 Bruxelles-Mons, à hauteur d'Arken, bande de droite neutralisée vers Mons. Plus loin, vous le savez, on vous en parle depuis tôt cet après-midi. Un camion s'est couché sur le flanc à hauteur de Jemappes. Chaussée fermée, circulation vraiment très compliquée à cet endroit-là et sur les axes avoisinants, notamment la N6 venant de Soigny et la N552. Une déviation locale est mise en place via le R5A vers Jemappes. Mais vraiment, si vous pouvez éviter ce secteur, évitez-le autant que possible. Accident sur le 42 Liège-Namur à hauteur de Ouilleron. Vous perdez 25 minutes en direction de Namur. Et puis coup d'œil sur le ring de Bruxelles. Circulation extérieure, Zaventem Grand Bigard, plus 25 minutes. Circulation intérieure, Grand Bigard Zaventem, plus 10 minutes. Et un véhicule en panne signalé à l'entrée du tunnel Louise. Bande de droite neutralisée vers la basilique. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Et dans quelques minutes, dans ce 5 à 7, il sera question de balle, de putt, à prononcer correctement, hein, et de club aussi. On parlera de golf et de la Ryder Cup. Thierry Luters sera derrière le micro dans quelques secondes. On partira aussi à Spa-Francorchamps. Il y a les 24 heures de karting qui arrivent là pour soutenir Cap 48. Vous allez pouvoir aider Cap 48 et apporter de l'argent grâce à ce challenge sportif. Je vous dis tout dans quelques minutes. On s'intéressera aussi tout à l'heure à cette histoire dramatique. Une fille qui a été assassinée par son ex-compagnon. Elle a 16 ans, Sylvain qui l'a assassiné avait 19 ans. Comment on gère quand on a une rupture amoureuse, quand on est ado? C'est pas facile, ça vous rappelle peut-être des souvenirs, alors sans que ça se termine par un drame comme ici, mais on verra à quel point vous pouvez en tant que parent peut-être aider et comment on peut simplement accompagner ces ados dans ces moments qui sont pas faciles quand on vit ses premières amours. Ce sera tout à l'heure dans le 5 à 7. On prendra des nouvelles aussi des bébés pandas, enfin du bébé, parce qu'il est tout seul, du bébé panda à Peridaïsa. Il commence à se déplacer tout seul. C'est fini d'avoir maman qui le transporte partout. On verra comment il se sent, comment il va, avec peut-être un peu moins de monde vu que c'est la fin des vacances. Quand il est un peu plus tranquille, peut-être que ça lui va bien. On verra ça avec l'équipe de Peridaïsa qui sera tout à l'heure dans le 5 à 7. Et puis je vous rappelle cette question aujourd'hui. On avance dans le classement, le top 10 des pays où il fait le plus agréable quand on est expatrié. Vous imaginez travailler où? Si vous deviez partir à l'étranger, ce serait dans quel pays? 3063 par SMS pour me le dire et sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF. Et si vous avez déjà eu l'occasion de bosser à l'étranger, vous me le racontez aussi. On fait un point sur vos messages en quelques minutes. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel. Hola, c'est Paula de la Negra Albina. Venez le samedi 3 de septembre nous rejoindre à Perruet pour faire la fête lors des beaux vélos de Ravel. Nous partagerons la scène avec les Charlots. Hasta pronto. Le Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel, ce samedi 3 septembre à Perruet. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Metz. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Metz, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. Maman, on joue au supermarché. D'accord, mon cœur. Alors, je voudrais un kilo de... Tu dois d'abord trouver une place de parking. Ah, ok. Boum, voilà. Et ton caddie. Ah oui. Bon, alors, je voudrais... Hé là, madame, dans la file, comme tout le monde. Mais enfin, je... Renfort caisse. Oubliez le stress du supermarché. Faites vos courses sur wink.be, le supermarché 100% en ligne qui livre aussi à domicile. Profitez vite de moins 10% sur tous vos achats pendant un mois. Ouais. De la première livraison gratuite et d'un kit rentrée des classes en cadeau. Ouais. Wink.be. Tu as réussi ta sixième technique ou professionnelle? Tu veux devenir infirmier hospitalier? Alors viens avec nous à l'ECNA Sainte-Élisabeth, une école dynamique et réputée, derrière la clinique Sainte-Élisabeth de Namur. Dès la première année, tu auras 12 semaines de stage. Après une formation en 3 ans et demi, tu obtiendras ton brevet d'infirmier qui te permettra de trouver rapidement du travail. Ça te tente? Tu trouveras bien plus d'infos sur ECNAS.be, ECNAS.be. ECNAS 081 72 34 80. Yeah. 17h, 19h, 5 à 7. Avant de parler des 24 heures de karting à l'occasion de Cap 48 dans quelques minutes, c'est Thierry Luters qui marche en studio. Bonsoir Thierry. Salut Cyril. On va parler non pas de karting avec vous, mais d'un autre sport, de golf et de la Ryder Cup. Alors on a appris tout à l'heure dans le journal qu'il y a un Belge qui se retrouve en Ryder Cup. Comment il se retrouve là? C'est formidable. Là, c'est Thomas Peters qui est un magnifique golfeur de 24 ans. C'est un Anversois. Le grand public l'a découvert aux Jeux Olympiques où là, malheureusement, il a échoué à la 4e place, la pire, hein, juste au pied du podium. Et des médailles. Ah, pas grand chose. Ouais, vraiment pas grand chose. En fait, il a eu une mauvaise journée le troisième jour. Là, il avait fait 6 au-dessus du par et ça lui a coûté malheureusement donc une médaille. Mais cela dit, il est en très grande forme puisqu'il vient de gagner le week-end dernier l'Open du Danemark, ce qui lui vaut donc une fameuse wild card, donc une invitation pour aller disputer cette Ryder Cup qui aura lieu fin de ce mois-ci aux États-Unis, fin du mois de septembre pour être précis, du côté de Minneapolis. Alors, la Ryder Cup, c'est un événement exceptionnel qui provient d'un monsieur Ryder. Ça ne s'invente pas, tant qu'à faire. Ils sont creusés la tête pour le nom. C'était Samuel Ryder qui était un businessman américain passionné de golf et qui avait eu l'idée en 1926 de monter un match opposant les États-Unis à l'Angleterre. D'accord. Une grande nation golfique, si vous voulez. Et puis au fil des années et des décennies, on s'est rendu compte que les Américains battaient tout le temps les Anglais. Il faut dire que le réservoir joueur, évidemment, est beaucoup plus important là-bas qu'ici, si j'ose dire. Dès lors, on a élargi le concept d'abord aux Irlandais et puis alors, depuis 1979, alors que l'épreuve a été créée en 1927, on l'a élargi aux Européens. Et donc, c'est États-Unis contre Europe, et là c'est un peu plus équilibré, ça l'est même à notre avantage, puisque depuis 1979, les Européens ont gagné 11 fois, les Américains ont gagné 7 fois. Et c'est un événement donc, pour la Belgique, c'est la deuxième fois qu'un joueur belge va participer à la compétition. Il y avait eu Nicolas Colsart il y a 4 ans à Medina, et non, cette fois-ci c'est le tour de Thomas Peters, également aux États-Unis. Et alors, il y a une ambiance extraordinaire parce que c'est très chauvin en bord de terrain. Chacun défend son. Ah ben oui, là, on est un petit peu dans l'esprit de la Coupe Davis en tennis. On oublie l'étiquette habituelle du golf. C'est très passionné, c'est très chauvin. C'est très calme, normalement, le golf. Il ne se passe pas grand-chose. Oui, mais là, c'est tout à fait différent, évidemment. Il y a un capitaine pour chaque équipe. C'est un Irlandais, Darren Clark, en l'occurrence, cette fois-ci pour l'Europe. Et c'est lui, donc, qui a annoncé officiellement aujourd'hui qu'il donnait cette invitation pour notre compatriote Thomas Peters, puisqu'il y a 9 joueurs qualifiés d'office sur base du ranking européen et mondial. Belgique est 41e mondial et il y a 3 invitations délivrées et là elles sont allées notamment aux Belges mais aussi à Lee Westwood qui est un joueur britannique extrêmement expérimenté. Et l'expérience, ça compte parce qu'il faut avoir les nerfs solides dans ces matchs-là. C'est le premier la pression, qui gagne. Il a une chance parce qu'on sait que sur les JO, les tout grands golfeurs étaient absents. Je suppose qu'ils sont ici présents. Là, tout le gratin mondial sera là. Hein, parce que quand vous allez consulter le classement mondial du top 100, il y a à quelques rares exceptions près qui sont des Australiens, quelques joueurs du continent africain mais d'ancienne influence britannique. Ouais. Les meilleurs joueurs mondiaux sont soit européens, soit américains. Donc là, c'est la crème de la crème. Bon, on suivra ça avec attention. Vous avez déjà tenté le golf, vous, Thierry ? Oui, j'ai un petit peu joué. C'est un sport. Ça fait mal, hein, quand même. Mais il faut avoir. On découvre des muscles. Il faut avoir de problèmes de dos, c'est mon cas, malheureusement. Et non, c'est un sport passionnant. Et d'ailleurs, je signale que dans 2 ans, cette fameuse Ryder Cup, elle sera pas loin de chez nous. C'est vrai, elle aura lieu au Golf National français, c'est-à-dire à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans la région parisienne. Ah, juste après la frontière. Ah, ouais, là, il faut y aller. Ouais. Ah bah, on note déjà la date. Saint-Quentin-en-Yvelines, hein, c'est pas le Saint-Quentin du Nord. Ah, c'est encore un peu plus bas. C'est le sud de Paris, un peu plus bas. Ouais, mais c'est pas trop loin, quoi. C'est 3-4 heures de route. Voilà, max. On y va ensemble, on bloque déjà les dates. Ok, on y va. Merci Thierry. Et à tout à l'heure pour le journal des sports. Il est 17h41. 5 à 7. Bon, on va rester dans le sport tout de suite. À l'occasion de Cap 48, il y a les 24 heures de karting à Spa-Francorchamps qui sont organisées. C'est ce samedi 3 septembre que ça va démarrer. On va en parler avec Maxime Berger. Vous êtes journaliste sportif pour la RTBF et vous êtes à l'initiative de ce défi un peu fou quand même, 24 heures de karting. Bonsoir Maxime. Oui, bonsoir Cyril. Eh bien, c'est un peu fou, oui, mais je ne suis pas le seul à me lancer là-dedans. On est 25 en tout à rouler donc pendant 24 heures sur le circuit, pas sur le circuit que vous avez tous vu pour la Formule 1, mais sur le circuit karting qui est à peu près 1 km. Ce qui est déjà pas mal, hein, parce que le tout grand en karting, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y aura des personnalités qu'on a l'habitude de voir régulièrement à la télé, qu'on entend aussi souvent en radio. Éric Bévert qui sera là, Sébastien Nolvaux, il y aura Anne-Laure aussi, Adrien de Viveur, il y aura Olivier Gaspard, Bénédicte Depré, et vous y serez donc vous aussi. Comment ça va se passer concrètement? 24 heures de karting, vous allez vous relayer, vous n'allez pas le faire tout seul. Exactement. Vous avez vu, pendant les Jeux Olympiques en athlétisme, il y avait un relais. Ici, le témoin n'est pas physique, c'est juste qu'on se cède le baquet, en fait, tour à tour. La course complète, c'est 65 équipages. Nous, il y en aura un à notre nom, à notre numéro, le numéro 48, évidemment, vu qu'on fait ça pour Cap 48. Ouais. Et la base est assez simple. Donc, c'est de 16h à 16h, ce samedi jusque ce dimanche, donc. Et on est 25, je l'avais dit tout à l'heure, il y aura un pilote à mobilité réduite, Lionel Van Der Kam, qui sera vraiment la toute grosse base de l'équipe. Alors articulé autour de ça, on est 8, vous l'avez dit. Vous avez cité Éric Bévert, Sébastien Nolvaux, Anne-Laure Mac, Adrien De Viseur, Charlie de Wassège, Olivier Gaspard, Bénédicte Depré et moi-même. Et nous, l'équipe, on roule la nuit parce que c'est la période la plus difficile. Et d'accord. En journée, on a contacté des personnalités qui viennent. Alors qu'ils viennent rouler chacune une demi-heure, on a un peu de tout. Hein. C'est ça qui est bien, c'est que chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice avec son énergie. On a des comédiens, Charlie Dupont, Sarah Grosjean. On a un sommelier, Eric Boschmann, le célèbre. On a des sportifs vraiment pointus dans le domaine, Sarah Bovy, Fred Capras, Denis Dupont ou Sam De Jong. Et il y a aussi d'autres visages de la RTB, Jean-Louis Naé, ou l'administrateur général Jean-Paul Philippot, par exemple. Oh, le grand patron sera sur la piste. Lui, on est obligé de le laisser passer, alors. Si on sent qu'il est derrière nous, on est obligé de le laisser passer, lui. Je ne sais pas encore ce que les autres ont prévu, effectivement, mais c'est un renfort de poids, évidemment. Hein. C'est ça qui aide, évidemment, dans la sensibilisation. On essaye aussi de banaliser un petit peu tout ce qui est lié à l'handicap. Par exemple, pendant les séances libres, vendredi, moi-même et deux autres personnes, on prendra la place de Lionel Van Der Kam, donc notre pilote à mobilité réduite. On ira dans son kart. D'accord. Adapté, évidemment. Les commandes sont uniquement avec les mains et pas avec les pieds. Et voilà, pour essayer de se rendre compte de comment est-ce qu'eux vivent ça, en fait. Alors, l'idée, voilà, c'est de récolter 5000 euros en réalisant ce défi au profit de Cap 48. Et donc, les auditeurs peuvent vous aider en finançant donc ce défi, en faisant un don pour que vous alliez jusqu'au bout. C'est sur la plateforme Cap 48, sur agir.cap48.be. C'est là qu'on peut faire les dons. On peut venir vous voir aussi, Maxime. C'est exact. L'entrée est en plus totalement gratuite. Et voilà, il y a des parkings aux alentours. Tout ça est très bien géré par la société One Day Karting. Et effectivement, on peut venir nous voir, on peut venir nous saluer, on peut venir nous soutenir, évidemment, parce que la base est quand même celle-là. Il faut que ça ait un but. Mais c'est une ambiance, pour ceux qui sont déjà allés à Spa ou pour ceux qui ont vu ça à la télévision, c'est un cadre absolument magnifique. Les années où il y a un beau temps, on peut compter 2500 à 3000 personnes. Donc il y a une ambiance. C'est sympa. Une ambiance de fou en plus, tout à fait. Alors ça, c'est donc ce samedi, départ à 16h. Est-ce que vous avez vérifié que tous les invités conduisaient correctement? C'est une excellente question. Si vous aurez peut-être des mauvaises surprises, hein? Oui, je me suis posé la question, évidemment. Et ceux qui avaient certaines lacunes ou qui allaient un petit peu moins vite, on leur a fait une petite formation. C'était mercredi dernier. Avec des coachs, comment est-ce qu'on prend une trajectoire, comment est-ce qu'on freine, ah ouais, comment ouais. est-ce qu'on freine. Ah, c'est pris au sérieux quand même. On n'est pas là pour être dernier. Ah non, peut-être, peu importe. Mais oui, malgré tout, oui. Et dites, quand on fait 24 heures de karting comme ça, quand on veut faire pipi, on s'arrête quand on veut ou bien vous imposez de rouler la demi-heure au complet? Normalement, on roule la demi-heure au complet et on va aux toilettes avant et après. Mais si... Rappelez-le bien à tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui sont spécialistes de s'arrêter non-stop. Je n'aurai pas de nom, mais il y en a qui demandent tout le temps de s'arrêter en voiture. Vous me donnerez les noms hors antenne, comme ça je les préviendrai. D'accord. Mais l'ambiance est très sympa. Ce sera vraiment un relais très, très agréable où la bonne humeur que vous partagez là à l'instant sera évidemment présente. Donc je rappelle le rendez-vous, c'est samedi à 16h, c'est le départ et ce sera ensuite pendant 24 heures à Spa, à Francorchamps. Et pour soutenir ce défi sportif, vous allez sur agir.cap48.be. Merci Maxime et que tout se passe bien alors ce week-end. Merci Cyril, vous êtes le bienvenu si vous voulez. Ah bah avec plaisir, à bientôt Maxime. Merci Cyril, au revoir. Dans la suite du 5 à 7, des cadeaux à gagner. Et puis on s'intéressera aussi à ce classement, le fameux classement des 10 pays où on se sent le mieux quand on est expatrié. On avance dans le classement, je vous donne la 7ème place juste après la pause. C'était top les vacances. Oui, mais c'est la rentrée chez Espace Mode et ça, c'est super top. Hommes, femmes ou enfants, découvrez les nouvelles collections des marques les plus tendances. Participez à notre concours Back to School et tentez de gagner des shootings photos et des chèques cadeaux enfants. Conditions sur notre page Facebook. Espace Mode sera ouvert dimanche 4 septembre de 10h à 17h. Espace Mode à Perouet et à Genneval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Demain, dès 11h, sur Vivacité. Olivier, qu'est-ce que tu fais? J'inspire le quartier. Comment ça? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement. Pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial, je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Je vous parle de volcan dans un instant. Il y a le volcan le plus redouté d'Islande qui est sur le point d'entrer en éruption. Que va-t-il se passer? La réponse avant le journal de 18h, le cactus de Jérôme de Warzé qui arrive aussi. Et puis, dans ce 5 à 7, je vous parle du classement des pays où on se sent le mieux quand on est expatrié. Vous me dites si vous avez déjà connu l'expérience de partir travailler à l'étranger ou si c'est votre rêve. 3063 par SMS pour réagir et sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF. Il y a Edith Perrouet qui est avec moi. Bonsoir Edith. Oui, bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Eddy, vous avez déjà travaillé à l'étranger. Vous avez passé 15 ans à l'étranger. Vous étiez où? J'étais à Sali, au Sénégal. Et c'était bien? C'était très bien. Quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait rien. Et 15 ans plus tard, c'est vraiment une zone touristique. On l'appelle d'ailleurs le Saint-Tropez du Sénégal. D'accord. C'est tout. On vit vraiment, on trouve tout ce qu'on peut trouver en Europe, les commerces qu'on peut trouver en Europe. Et surtout, on est dans un climat exceptionnel. Et c'est un pays très, très, très accueillant. Et vous retenteriez l'aventure de partir travailler à l'étranger, Eddy? Ben disons que moi maintenant j'y vais encore deux fois un mois par an, mais pour les vacances maintenant, pour le plaisir. Ah ben c'est sympa aussi, mais ça veut dire que ça vous plaisait vraiment, parce que si on retourne sur son lieu de travail, même des années après, c'est qu'apparemment on aimait bien. Ben Eddy, merci d'avoir partagé ça avec nous ce soir, je vous souhaite bonne soirée. À bientôt Eddy, au revoir. 5 à 7. Alors, il y a un volcan en Islande qui est en train de faire paniquer un peu tout le monde, puisque c'est le volcan le plus redouté d'Islande qui s'apprêterait à entrer en éruption. Alors, pourquoi est-ce que ça dort, ça se réveille comme ça, un volcan? De temps en temps, il ouvre un œil, hop, il nous fait un petit peu de fumée, et ça peut même être le boxon avec les avions. On va en parler avec Bernard Charlier, vous êtes chercheur au FNRS et géologue à l'ULG. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7 pour nous éclairer un petit peu. Parce que ce volcan qui dort depuis des années, qui là risque de se réveiller, avec Reykjavik qui est à peine 40 kilomètres, ça peut poser un problème. Comment ça se fait que ces volcans dorment et se réveillent? Bon, bah, toute l'Islande d'abord est active. Il y a une trentaine d'édifices volcaniques actifs et qui éruptent à des distances, à des intervalles différents. Ouais. En général, on enregistre une éruption tous les 4 à 5 ans, une éruption plus importante en Islande. Bon, les volcans, ils sont liés avec des magmas dans des chambres en profondeur. Et ces magmas migrent à travers la croûte. Les chambres peuvent être vidées, remplies. Et c'est ce qui va contrôler l'éruption en surface de lave. Alors ici, on nous dit, attention, il se pourrait bien qu'il entre en éruption. On peut prévoir ça de façon assez précise aujourd'hui ou pas? Bon, la précision, c'est pas encore bien défini, mais dans ce cas-ci en particulier, il y a des secousses sismiques qui ont été mesurées avec des intensités supérieures à la moyenne, donc au-delà de 4. Et dans ce cas, on peut commencer à s'inquiéter. Il est possible qu'un magma vienne se mettre en place. De tels enregistrements ont déjà été effectués avant, sans pour autant qu'il n'y ait d'éruption en surface. C'est arrivé en 2011. Ça, c'est le fameux volcan qui a toussé, où il y a eu plein de fumée et le boxon dans les avions. Non, ça, c'était vraiment une éruption quand même importante. C'était en 2011, c'est Leyafjöll, en 2010 ou 2011. 2010, Leyafjöll, oui. Oui, c'est ça. Donc là, c'est quand même une éruption importante du fait de l'émission de cendres dans l'atmosphère. Donc des fois, il y a des secousses sismiques, le volcan tremble, mais il n'y a aucune manifestation en surface. Donc ici, le lien pour le volcan Katla dont on parle n'est pas encore très clair. On n'a pas encore vu en surface des magmas, des cendres. On prédit que c'est possible, mais il semble que ce ne soit pas imminent ou pour tout de suite. Et alors, il se pourrait aussi qu'il tremble et qu'il ne se passe rien, alors? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ça arrive régulièrement. On s'inquiète, on prépare des interventions possibles, mais il peut très bien ne rien se passer. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que c'est pas un peu fou d'avoir construit une ville à 40 km de là? Est-ce qu'on peut à un moment connaître, on le souhaite pas, mais connaître une catastrophe? Bah oui, mais il y a énormément de villes très importantes qui sont édifiées à proximité de volcans, sur des zones fertiles. Bon, ça c'est lié à l'histoire de l'Islande, elle a déjà connu de nombreuses éruptions, c'est clair, mais chaque pays peut avoir des risques naturels différents. Donc on ne peut pas déplacer toute la population de l'Islande sous prétexte qu'il y a un petit risque d'éruption volcanique. Mais aujourd'hui, on pourrait encore construire à côté d'un volcan ou ce serait interdit? Ah non, on construit toujours à proximité des volcans. Maintenant, la difficulté, on ne sait pas prédire encore les éruptions à court terme. Donc on parle parfois d'échelles de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines d'années. Et les éruptions ne sont pas toutes destructrices. Elles sont parfois très très limitées. Donc oui, on construit toujours. Maintenant, on sait identifier des zones très dangereuses, des vallées par exemple, par lesquelles vont pour s'écouler les laves. Ouais. Là, clairement, on va éviter alors. Vous avez déjà eu l'occasion, vous, de rentrer dedans? Parce que nous, on voit souvent les images à la télé où il y a la lave qui explose. Dedans, vous avez déjà pu y mettre les pieds, vous? Alors, moi, particulièrement, mon travail s'intéresse à la cristallisation des magmas en profondeur, donc dans les racines des volcans. Donc, on étudie ça par les roches refroidies. J'ai déjà été visiter des volcans, mais aucun en activité des volcans comme Santorin, où il y a des manifestations par des gaz et tout ça, mais pas à proximité de lave en fusion, non. Mais alors, il y a quoi dedans? Ce sont des roches fondues. On peut dire le cas de l'Islande, ce sont des basaltes, donc ce sont des roches fondues à autour de 1200 degrés. C'est assez fluide, donc la lave en elle-même n'est pas très dangereuse parce que son écoulement est assez lent, en tout cas dans le cas de l'Islande. Maintenant, le danger est indirect pour l'Islande. La lave entre en contact avec, par exemple, les glaciers. Ouais. Ça peut fondre la glace, entraîner des inondations. L'interaction de l'eau avec le magma peut entraîner des panaches. Donc là, il y a des cendres qui sont émises. D'accord. Donc les risques en Islande sont surtout indirects, pas par la lave en elle-même. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Bernard Charlier. Je vous souhaite une excellente soirée et à très vite dans le 5 à 7. Il est l'heure tout de suite de retrouver le cactus de Jérôme de Warzé. C'était ce matin dans le 8-9. Jérôme, le cactus revient sur cet incendie criminel à l'INCC de Neder-Overenbeek. Des échantillons de preuves auraient donc ainsi disparu. Oui, parfaitement. Bonjour de la cave de Viva. Bonjour. L'enquête progresse sur cet incendie. D'après les caméras de surveillance placées à la sortie du local réservé aux résultats des tests de paternité, les suspects seraient un couple d'octogénaires qui aurait pris la fuite en direction de Laeken. La femme s'exprimerait avec un fort accent italien. L'homme aurait prononcé cette phrase en sortant du bâtiment. Voilà, maintenant, elle va plus me faire chier, celle-là, avec ses analyses ADN. Elle me lâche la grappe royale et qu'elle se concentre sur ses lampadaires en macramé, maintenant. Nous vous tiendrons, bien sûr, au courant. Apparemment, ces deux suspects auraient été filés par un autre individu, la cinquantaine, cheveux grisonnants, portant fort, roulant dans une Smart, immatriculé SDF1. Particularité, le conducteur de cette Smart véhiculerait sur le siège passager un poule. Information à vérifier, bien sûr, faute de pieuvre. La piste terroriste a donc été dûment écartée sous la jante ainsi l'ensemble de la presse française, apeurée d'évoquer encore une fois en Belgique le sujet sensible en direct. Imaginez la scène au cœur du JT de France 2. Hier, une attaque a touché un centre de criminalistique à Neder-Overenbeek, à 8 km de Thierry Henry est au plus mal. Thierry Henry touche le SMIC en Belgique. On a perdu Titi aux abords de Stromberg. Piste terroriste écartée donc, Benjamin. Et autre soulagement notoire, rassurons la famille ainsi que tous les Belges avides d'informations exclusives, Claude Monique va bien. Ah, l'expert terroriste. Il aurait d'ailleurs déclaré de chez lui, de son domicile, donc c'est-à-dire de son véhicule stationné à mi-chemin entre l'RTBF, RTL TVI, et après avoir recoupé nombre d'informations émanant de son plus fidèle lieutenant, un certain Rabanne, prénommé Paco, que non, trois fois non, l'incendie ne pouvait pas être le fait d'un grand brûlé de l'hôpital militaire tout proche qui se serait rallumé. Merci Claude, une information à prendre selon moi au troisième degré. Bon. Il nous a d'ailleurs donné plus de précisions sur les autres suspects interpellés hier, au nombre de 5, je vous le rappelle, Claude Monique est formel, ce ne sont pas les Dalton qui ont fait le coup. Voilà. Merci Claude. Pas d'affolement, pourtant au vu du modus operandi de l'attaque, une voiture s'encastrant dans un bâtiment, les deux pistes les plus sérieuses menaient soit au grand banditisme. Je le vois venir, soit à Jonathan Lejeune. Évidemment. Il n'en est rien, évidemment. Et décidément, Jonathan, tout comme son équipe d'ailleurs, ne sont plus très percutants pour l'instant. L'INCC, vous l'avez rappelé Benjamin, c'est le temple de l'analyse criminologique et criminologistique et criminobiologiste esthético-logistique belge. Ce sont, fille de digression, nos experts à nous. Le glamour et la technologie en moins. Hein, parce que bon, je regarde les experts et ce qui frappe d'emblée, c'est que quelle qu'elle soit l'heure à laquelle vous confiez vos prélèvements aux bombasses scientifico-portjartelisées, dont on se demande quand même à un moment quand elles vont faire pipi, il y a toujours des dizaines de personnes s'agitant dans les laboratoires, effectuant des tests de balistique et lorgnant des dizaines d'écrans. Ici, chez nous, à 2h du mat, c'est... C'est la maison communale un dimanche après-midi. Je veux dire, il n'y a pas de personnel, de vigile, de police. Il n'y a rien. Rien. Dans un pays comme le nôtre, à la pointe de la technologie des étanchéités de passage, barrages syndicaux, tunnels bruxellois, notre centre hyper sécurisé est aussi accessible que Zaya dans un vestiaire de football. C'est à n'y rien comprendre. Enfin, L'essentiel semble avoir été préservé. Les échantillons appartenant à un certain monsieur DSK ont été préservés. Les 6 tonneaux sont là, toujours au fond de la cave. Une dernière information, rien à voir avec ce que nous vivons ce matin. Vous avez entendu parler de ce puissant signal radio envoyé depuis l'espace et qui interpelle les scientifiques. Il aurait été décodé venant de Proxima B, une planète similaire à la nôtre. C'était une invitation à répondre aux 3 sujets d'une émission s'intitulant « C'est vous qui le dites ». Nous ne sommes pas seuls et l'intelligence semble supérieure. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. C'est le moment dans l'émission où Dominique arrive avec soit des mauvaises nouvelles, soit des bonnes nouvelles pour la météo. Et en l'occurrence, de bonnes nouvelles aujourd'hui. J'aime bien quand vous dites ça. Les conditions estivales vont se poursuivre. Demain, en tout cas, temps sec, bien ensoleillé, 23-27 degrés. Puis jeudi, peut-être temporairement un peu plus de nuages, voire une averse isolée. Mais globalement, ça va plutôt bien se passer. Merci Dominique. Pour la suite de ce 5 à 7 des cadeaux pour vous, qui va aller affronter le parcours de Dinan Aventure, le parc Dinan Aventure de Dinan Évasion? C'est ce que je vous offre pour la suite de ce 5 à 7. 4 entrées à gagner grâce au beau vélo de Ravel à 365.be et à Ciné-Télé-Revue. Il faut vous inscrire maintenant, vous envoyez Ravel au 60 03, c'est 75 centimes le message. Bonne chance à vous. Dans quelques minutes après le journal, on prendra aussi des nouvelles du bébé panda de Péridaxa. Ça y est, il commence à faire ses premiers pas tout seul, c'est mignon. En télé sur la Une, les Diables sont de retour. Premier match pour notre nouveau coach, Roberto Martinez. Le 1er septembre, les Diables ont besoin de vous. Belgique-Espagne, ce jeudi sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Écoutez Vivacité, il est 18h. La rentrée scolaire, c'est dans 2 jours. Le balai des voitures de parents devant les écoles va reprendre. Alors attention aux accidents. Ils arrivent souvent sur le chemin de l'école pour les jeunes. Près de Binche, une zone de police locale lance une campagne pour tenter d'améliorer la sécurité près des écoles. Reportage dans ce journal. Pas toujours facile de se mettre au numérique. La Ligue des familles parle aujourd'hui d'analphabétisme numérique. Janine, 80 ans, s'y est mise il y a quelques années pour rester dans le coup. Vous l'entendrez dans un instant. Être considéré comme mort alors qu'on est toujours bien vivant, c'est l'histoire de Farid, 44 ans, un ressortissant algérien qui vit en France. Il est décédé depuis 10 ans aux yeux de l'administration et ça lui cause de gros problèmes. En sport, le golfeur anversois Thomas Peters a été sélectionné pour la Ryder Cup, une compétition qui oppose le gratin européen au golfeur des États-Unis. Vous entendrez Thomas Peters dans le journal des sports. Le journal sans vivacité, c'est avec Justine Hermans. Bonsoir Justine. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Stationnement sauvage de voitures sur les trottoirs ou sur les passages pour piétons, comportement dangereux. 4 enfants et adolescents sur 10 sont impliqués dans un accident de la route. Ils le sont pendant les heures de début ou de fin d'école. À la veille de la rentrée scolaire, une zone de police locale lance une campagne pour tenter d'enrayer l'insécurité automobile près des établissements scolaires. Reportage à Péronne, près de Binche, de Julien Bader et Maxime Paquet. Les abords de l'école sont encore déserts. Mais dès la rentrée scolaire, il y aura ici des écoliers en nombre et des parents qui viennent déposer et chercher leur enfant. Ne vous garez pas sur le trottoir ou vous allez sortir votre mouchoir. Ivana Insera s'apprête à rentrer en 6e primaire. Elle vient de gagner le concours de dessin organisé par la police locale. Elle nous détaille son œuvre. Devant la voiture, il y a un petit enfant qui va à l'école qui est gêné par la voiture, qui est garé sur une piste cyclable. La personne dit qu'elle en a pour 2 minutes. Parce que c'est souvent ce que les parents disent, mais après, ils rencontrent plusieurs parents, des professeurs et tout, et après, ça dure plus que 2 minutes. Pour la nouvelle campagne de sensibilisation, de l'affichage, des cartes postales, et une période particulièrement répressive d'un mois. Le stationnement sauvage devant l'école et qui fragilise la sécurité de nos enfants. Thierry Meunier, chef de corps de la zone Binche, Anderlu. Ce sont les passages pour piétons, squattés régulièrement par les parents. La vitesse, 30 km/h, aux abords des écoles. Il est clair que nous ne réprimons pas 30 km/h pendant les vacances. Ça n'a aucun sens, mais certainement au moment où les enfants s'y trouvent. Cela fait des années que la police de Binche communique sur le sujet. Mais les mauvaises habitudes reprennent souvent dès le 1er septembre ou quand la sonnerie de la fin des cours devient synonyme de danger sur la route. La ponctualité des trains de la SNCB est en légère baisse au mois de juillet par rapport au même mois l'année dernière. Elle passe de 93,2% à 92,9%. La tendance à la baisse se vérifie aussi depuis le mois de janvier de cette année. Internet, c'est du chinois pour une partie de la population. Selon la Ligue des familles, un Belge sur cinq ne sait pas envoyer un email. Un Belge sur deux est incapable de faire un virement en ligne. Ne pas savoir utiliser un ordinateur, cela devient un handicap sérieux, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Janine, 80 ans, prend des cours depuis 6 ans grâce à son fils. Mon fils a changé d'ordinateur, il m'a donné son ordinateur de bureau, il a repris à portable. Il m'a dit « Maman, maintenant tu t'y mets ». Je dis non, je veux pas ça. Ben tant pis, il me l'a apporté. Et puis, bon, j'ai commencé à chipoter un petit peu, mais je m'en sortais pas du tout. Et puis, c'était un couple ami, que le monsieur venait ici aussi, il m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas, c'est en face de chez toi. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous savez faire? On a Facebook, maintenant j'ai un petit téléphone, un smartphone, donc j'ai Skype aussi ici, Messenger. Et même maintenant, il n'y a pas longtemps, il a peut-être 2 mois, je fais même mes paiements. Avec l'ordinateur aussi. Je me suis dit, bon, il n'y a pas d'avance, il faudra y passer parce qu'on va quand même finir par y passer. Alors autant le faire tant que le cerveau marche encore un petit peu. Janine, 80 ans, au micro de Simon Gérard. L'Irlande et Apple, la marque à la pomme, vont faire appel de la décision de l'Union européenne qui condamne Apple à rembourser un montant record de 13 milliards d'euros. La Commission européenne reproche à la marque américaine d'avoir réduit artificiellement son taux d'imposition grâce à des accords fiscaux passés avec les autorités irlandaises. C'était de 2003 à 2014. En France, Emmanuel Macron n'est plus le ministre de l'économie. Il a démissionné cet après-midi. L'Élysée l'a confirmé. Il démissionne parce qu'il ne voulait plus se conformer aux règles fixées par François Hollande, mais aussi pour se consacrer entièrement à son mouvement politique En Marche. Emmanuel Macron ne devrait pas annoncer ce soir si oui ou non il est candidat à la présidentielle de 2017 avec son mouvement. Pour le remplacer au sein du gouvernement, Michel Sapin, il reprend son portefeuille en plus de celui qu'il avait déjà auparavant, celui des finances. François Hollande aujourd'hui a également annoncé une autre démission, celle de Georges-Paul Angevin au ministère des Outre-mer. Il est remplacé par Erika Barreitz, une secrétaire d'État. On reste en France avec cette histoire digne d'un scénario de cinéma. Farid, 44 ans, vit un véritable cauchemar depuis qu'il a découvert que la préfecture de Seine-Saint-Denis le considère comme mort. Cet Algérien, père d'une jeune fille de 11 ans, a même dû annuler son mariage car aujourd'hui, il est privé de papier français. C'est en allant refaire sa carte de séjour pour 10 ans à la préfecture de Seine-Saint-Denis en mai dernier qu'il a appris qu'il n'existait plus, Isabelle Pirou. C'est au guichet de la préfecture, de la bouche de la fonctionnaire, que Farid apprend son décès. Elle a dit que votre carte n'existe plus, ce numéro n'existe plus. Je lui ai dit pourquoi ? Je suis décédé en 2008. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez prouver que vous étiez vivant ? J'ai dit, déjà, je suis là. Mais pour l'administration, ça ne suffit pas. Farid sort ses papiers, montrant que depuis 2008, il vit, travaille et paye ses impôts en France, montre son passeport algérien, refait en 2015. L'employé informe sa hiérarchie et rebelote. J'ai présenté tous mes papiers, les impôts, j'ai un registre de commerce, je suis artisan. Ils m'ont dit, là, c'est bon pour nous, on va appeler la police, comme ça, ils vont signer un papier. La police débarque à la préfecture. Après, ils m'ont dit, vous allez venir avec nous. Et c'est là qu'ils m'ont placé en garde à vue. La police craint une usurpation d'identité, mais devant son permis de conduire passé en mars dernier et ses multiples papiers, elle décide de le libérer et le renvoie vers la préfecture pour régulariser sa situation. Elle m'a dit, je ne peux rien faire si la police ne me donne pas un papier signé. Je retourne voir la police et ils m'ont dit, nous, on ne peut pas décider comme ça parce que administrativement, vous êtes décédé. Le yo-yo dure plusieurs jours, Farid est ballotté du commissariat à la préfecture. Il prend un avocat qui écrit au préfet pour réparer l'erreur qui a été faite, sans résultat pour le moment. Ça fait maintenant presque 3 mois que j'attends et j'ai aucune réponse. Et c'est chaque jour, c'est une galère. J'ai annulé mon mariage prévu pour cet été. Ma vie, elle est complètement détruite, quoi. Sa crainte, c'est d'être obligé de faire un recours devant le tribunal administratif pour que l'administration française accepte enfin de reconnaître qu'il est vivant. Isabelle Pirou de Radio France, et notons que la préfecture a été contactée, mais elle n'a pas répondu. Retour chez nous, attention, si vous devez vous rendre à l'aéroport de Zaventem demain et jeudi aussi, des travaux de marquage au sol sont prévus sur la A201, cette route qui relie le ring de Bruxelles à l'aéroport. Il pourrait perturber le trafic, surtout à l'heure de pointe du soir. Merci Justine pour ce journal. Dites Justine, ce soir vous savez qu'on parle du classement des pays où on est le mieux quand on est expatrié. Si vous pouviez partir n'importe où, vous choisissez un pays ce soir, c'est lequel? L'Italie peut-être pour la gastronomie. Eh bien Justine, vous allez quitter la radio, vos valises sont prêtes, vous partez ce soir. Merci Justine pour ce journal. Dans un instant, le journal des sports, on part sur les routes. Tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info avec Marjorie Villot. Bonsoir Marjorie. Oui, bonsoir Cyril. Et si certains partent vers la France, eh bien pour l'instant, E19 Bruxelles-Valenciennes, elle est à éviter entre Ville-sur-Aisne et Jemap, car on rappelle qu'à Jemap, un camion eh bien, s'est renversé, la chaussée est fermée en direction de la France. Conséquences, elles sont énormes, hein, 12 km de gros bouchons avec des répercussions sur la Nationale 6, sur la Nationale 552, sur les axes vraiment qui avoisinent Mons ou encore Jemap. Donc évitez ce secteur, une déviation est mise en place. Et puis c'est très compliqué aussi sur le 42 Liège-Namur. Avant, oui, Héron, où un accident impliquant 4 véhicules s'est produit, il y a 5 km de ralentissement et plus d'une heure perdue direction Namur sur cette E42. Sur le ring, c'est toujours chargé aussi, principalement entre Tervuren et Wemel vers Grand Bigard, où là il faudra ajouter plus ou moins 45 minutes encore en circulation extérieure. Et puis pour quitter Bruxelles, on le dit quand même, c'est une heure perdue vers Anvers via l'E19 avec 13 km de fil vers Anvers. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vivacité, le journal des sports. C'est avec Thierry Luters. Bonsoir Thierry. Bonsoir Cyril. Alors une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal des sports avec du golf et une excellente nouvelle pour Thomas Peters. Et oui, le joueur anversois de 24 ans, 41e mondial, a obtenu aujourd'hui la fameuse wild card, le précieux sésame pour la prestigieuse Ryder Cup, le match USA-Europe qui se déroulera fin septembre pendant 3 jours à Chaska dans le Minnesota. Il complète la sélection européenne des 12 joueurs avec l'anglais Lee Westwood et l'allemand Martin Keimer. Peters 4e, dois-je vous le rappeler, des derniers Jeux Olympiques à Rio, mais surtout vainqueur le week-end dernier de l'Open du Danemark au bon moment, donc juste avant la sélection. Il a été invité par le capitaine européen Darren Clark. On l'écoute au micro d'Ebi Brouzakis. C'est une récompense par rapport à mes 3 victoires. J'ai été très constant. J'ai fait beaucoup de top 10. Et en dernier lieu, quand il le fallait vraiment, lors des 3 derniers Open, j'ai bien presté. Je vais faire de mon mieux cette Ryder Cup et me donner à 100%. J'espère que je pourrai prendre quelques points. Par rapport à la déception des relatives au jeu, c'est une manière de passer au-dessus, j'imagine, cette sélection. Je pense que ces dernières semaines ont été très importantes pour moi. J'ai terminé 4e, 2e, puis enfin 1er. Ça prouve que je suis en forme. On passe au foot. Les Diables Rouges poursuivent leur préparation de Belgique-Espagne qui aura lieu jeudi soir au stade Roi-Baudouin. Oui, à suivre en direct, bien sûr, sur tous les médias de l'RTBF. 2e entraînement aujourd'hui matin à Nerpède, à J-2 des grands débuts de Roberto Martinez face donc à son pays d'origine. Il a précisé aujourd'hui que pour lui, le résultat n'avait aucune importance. Martinez est aussi l'ancien coach d'Everton, où sa relation n'a pas toujours été au beau fixe avec Kevin Miralas, mais le joueur liégeois, pour rappel, absent lors du dernier Euro, n'est ni embêté, ni surpris par la nomination de l'entraîneur espagnol à la tête de l'équipe nationale. Non, le connaissant, non, parce que je connais ses qualités d'entraîneur. Après, étonné d'une part, oui, parce que ça venait de finir avec Everton, ça s'est fait rapidement, mais après, voilà, c'est bien pour lui, c'est bien pour nous, parce qu'il va nous apporter beaucoup de choses. On avait vu votre père qui avait réagi en disant c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour Kevin. Ben, on voit que finalement, vous êtes directement rappelé. Ouais, mais on sait, les parents, c'est toujours très protecteur. Et donc voilà, mon père regardait un peu ce qui s'est passé dans le passé, mais il faut toujours regarder vers l'avant. Et voilà, maintenant, je suis très content d'être là, et lui aussi, donc voilà. Qu'est-ce qui s'était passé, justement, avec lui? Ça avait bien commencé, c'était un petit peu plus compliqué les derniers mois, pourquoi? Ouais, c'est le football, ça, il y a toujours des hauts et des bas. Après, il y a des opinions diverses, et puis voilà, il faut savoir tourner la page. Vous savez, avec Marc aussi, il y a eu des belles choses, des moins bonnes, et puis c'est le football, il faut savoir tourner la page et partir de l'avant. Des propos recueillis par Manuel Jousse. Marouane Fellaini est forfait pour jeudi, très incertain. Il souffre toujours du dos pour le match à Chypre qui aura lieu mardi prochain, on vous le rappelle, à Nicosie. Dans l'incertitude, le coach espagnol a préféré rappeler le jeune médian Ander L'Étoile et Ander De Donker, qui avait une cape à son actif. C'était face à la France en amical au Stade de France en juin 2015. Il monte ainsi des espoirs. À propos d'Anderlecht, Thierry, le Sporting se montre particulièrement actif en cette fin de mercato. Oui, on rappelle que le mercato se termine demain soir à minuit, le cachet de la poste faisant foi. Anderlecht vient d'enrôler aujourd'hui Hamdi Arbaoui, l'ancien attaquant de Lokeren et meilleur buteur de Pro League en 2014. Il vient d'Udinese. Retour aussi en Belgique pour Massimo Bruno, qui avait quitté le Sporting pour Salzbourg avant d'être prêté à Leipzig. On vient de l'apprendre, la Gantoise a peut-être trouvé le remplaçant de Sven Kums. Elle a enrôlé le milieu défensif nigérian Ibrahim Rabiou, international de 25 ans, qui évoluait dans le club slovaque de Trenčín, l'ancien employeur de Moses Simon. Et puis par ailleurs, la commission des litiges n'a pu siéger aujourd'hui, le quorum des membres n'étant pas atteint. Les dossiers, dont celui d'Alexander Scholz, défenseur du Standard, sont reportés à vendredi. Et puis à l'étranger, Cyril Wayne Rooney, 30 ans, a annoncé qu'il mettra un terme à sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et à propos d'arrêt, Tom Bonnen quittera les pelotons dans quelques mois. Sa retraite est désormais précisément programmée. Oui, le champion belge l'a annoncé aujourd'hui. Il se retirera des pelotons le 5 avril 2017 à l'issue de sa dernière course en Belgique, le Grand Prix de Lescot, dont le départ sera donné dans sa ville de Mol. Mais il va encore bien sûr disputer un ultime Paris-Roubaix quelques jours plus tard. Paris-Roubaix qu'il a déjà gagné 4 fois. Et un mot enfin à propos du Mémorial Van Damme, dont la 40e édition aura lieu au Ezel le vendredi 9 septembre prochain. Ça approche. Eh oui, nous y serons aussi, la RTBF, avec tous ses moyens, bien sûr. Une édition exceptionnelle, vous le savez, en présence notamment du couple royal. Notre relais féminin des 4 x 100 mètres, il recevra la médaille d'or de Pékin après la disqualification pour dopage de l'équipe russe. Le plateau du Van Damme est désormais complété et Wilfried Meert, l'organisateur, n'est pas peu fier d'annoncer qu'il y aura 40 médaillés des Jeux de Rio, ça tombe bien pour le 40e mémorial. Ah bah ça va être une chouette ambiance. Merci Thierry pour ce journal des sports. Et alors, j'ai obligé de le dire à tous les auditeurs parce que j'aime bien partager ce qui se passe hors antenne, à l'antenne, tout ça. Vous êtes arrivé en me disant je chante samedi. Oui, c'est mon autre casquette. Ça, on vous retrouvera où? C'est un festival de cover du côté des Wai. Et on peut avoir un petit avant-goût? Non, parce que là, je dois ménager ma voix. Ah, il faut être sur le contrat, j'avais lu Hawaï, mais bon. Vous êtes fait avoir, je crois. Passez voir les animaux au passage, voir dans quel état ils sont. Mon entourage. Oui. Voilà. Faites attention à votre voiture. D'accord. Merci Thierry. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Il est 18h15. Vivacité. Le sport en toute complicité avec l'ADEPS. 5 à 7. Ah bah c'est pas fini le 5 à 7, je suis avec vous jusqu'à 19h avec des cadeaux, je vous le rappelle. Si vous êtes fan d'aventure, grâce au beau vélo de Ravel à 365.be et à Ciné Télé Revue, vous allez gagner vos 4 entrées pour Dinan Évasion, le parc Dinan Aventure. C'est sympa là-bas, en famille vous allez vous amuser, il y a plein de différentes attractions à faire. Vous allez rentrer peut-être dans le parc d'attractions en vous disant oh bah c'est bon, je vais tout maîtriser, puis à la fin vous allez découvrir des muscles que vous n'aviez jamais sentis auparavant. Si vous voulez gagner ça, vous envoyez Ravel au 6003 pour 75 centimes le message. Bonne chance à vous. On parlait d'animaux avec Thierry il y a quelques secondes. Justement, on va prendre la direction d'un parc tout à l'heure, Peridaisa, où forcément, vous le savez, il y a un panda qui est né maintenant il y a quelques mois. Et ce panda a fait ses premiers pas tout seul. Ça y est, maman panda commence à le laisser se balader dans son espace, dans sa grotte. On verra comment va ce petit panda dans quelques minutes. Et puis, à l'approche de la rentrée scolaire, la rentrée, vous l'avez peut-être faite déjà au boulot cette semaine. Quelle est la tenue tendance de cette rentrée? On va en parler avant 19h dans le 5 à 7, c'est promis. Et puis aujourd'hui dans cette émission on voyage, je vous parle du classement qui a été fait par le site Internation. L'idée c'est de savoir quels sont les pays où on se sent le mieux quand on est expatrié. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait la République tchèque en 10e place, le Luxembourg en 9e, l'Autriche en 8e, en 7e position il y a l'Australie, et en 6e on retrouve le Costa Rica. C'est bien le Costa Rica aussi pour pouvoir partir, pour se balader à l'étranger et s'évader. Qui est avec moi au standard pour parler justement de voyage? C'est Christian qui est là, Christian de Thuin. Bonsoir Christian. Oui, bonsoir Cyril. Bienvenue Christian. Vous auriez bien voulu travailler, être expatrié dans un pays, lequel? Oui, effectivement. Donc, j'avais envisagé à une époque assez lointaine d'aller travailler le plus loin possible, c'est-à-dire en Australie. Ah bah c'est sympa l'Australie. Vous êtes déjà allé là-bas? Effectivement, j'ai déjà été 2 fois. J'étais une fois pour faire un grand voyage pour mes 30 ans, pensant que je ne pourrais plus refaire ce genre de voyage. Et pour finir, je l'ai refait 5 ans par après, comme voyage de noces avec ma femme. Et ça lui a plu ? Très bien, oui. Ah bah ça c'est parfait. Et alors, vous avez eu l'occasion, vous, de partir 3 mois en Espagne ? Oui, effectivement, avec un programme d'échange linguistique via la région Wallonne, qui s'échange des étudiants, mais plutôt des jeunes travailleurs, ouais. Entre, par exemple, la région de Valence et c'était la région de Wallonie ici. Et vous avez bossé ou vous avez fait la fête là-bas? J'ai fait les deux, j'ai bossé et j'ai travaillé. Et le job, c'était très chouette parce que je visitais toute la côte de Valence, donc de Valence à... C'est la Costa Brava, donc de Valence à Alicante. Ouais. Ça comporte Benidorm, parce qu'il y a beaucoup de Belges. Et je travaillais pour l'association Emmaüs, là-bas. D'accord. Qui ramassait des meubles pour ensuite les revendre. Et l'argent récolté servait pour un orphelinat pour les enfants. Ah bah ça c'est bien sympa, merci de nous avoir raconté ça. Qui sait, votre rêve australien se réalisera peut-être un jour. Je rappelle que l'Australie est 7e dans le top 10 des pays où on se sent le mieux quand on est expatrié. Je vous souhaite une bonne soirée Christian, à bientôt. Merci Cyril, bonne journée. À très vite, au revoir. Vous aussi vous avez rêvé de partir quelque part pour travailler ou vous avez connu cette expérience, bah vous me le dites par SMS au 3063, je vous attends. C'est 50 centimes le message et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Viva Bruxelles présente... Ça y est, enfin, les plus belles bêtes de l'impro sont de retour à Bruxelles. Venez les observer au bouche à oreille les 1, 2 et 3 septembre. Toutes les infos sur motamo.be. M-O-T-A-M-O.be. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. Les Woofies reviennent chez Shoe Discount. Ces chaussures de qualité pour les enfants, approuvées par les podologues. Achetez-les et recevez un poncho de pluie gratuit. C'est bon à savoir. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oh, c'est trop long les vacances cette année. Ouais, je trouve aussi. Vivement la rentrée pour regarder le profil de toutes les nouvelles nanas de notre classe, mater leurs photos de vacances, vérifier leur statut pour voir si elles sont célibes, en couple ou du genre compliqué, les inviter à me suivre sur Instagram pour qu'elles voient que je suis un mec cool, continuer à chatter avec toi en illimité même si on est assis côte à côte et faire des battles de Pokémon Go pendant les cours de Monsieur Dupré. Ouais, il a trop une tête de Pikachu lui. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Il me faudrait bien un nouveau smartphone, tiens. Pour la rentrée, chez Proximus, profitez d'un Huawei P9 Lite à seulement 9€ avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions sur proximus.be. Proximus, infiniment proche. Vous connaissez l'histoire de cet électricien qui a pété les plombs? Ou celle de ce marchand d'antivol qui s'est fait cambrioler? Ou de cette entreprise d'extincteurs qui a brûlé? Non, c'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre entreprise. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuez un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner, pour maintenant et plus tard. Votre agent d'assurance CBC, anticipez pour mieux faire avancer les entrepreneurs. CBC, décidez d'avancer. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Dans ce 5 à 7, dans un instant, on parlera de toute l'actu cuisine tous les soirs. Candice vient vous nous donner des petites infos sur ce que vous pouvez avoir dans votre cuisine, des choses insolites à manger. Ce sera dans quelques minutes sur Vivacité. Avant ça, on va revenir sur ce dramatique accident. Ça s'est passé en Wallonie, tout près de... J'ai perdu la ville, mais je vais vous la dire dans un instant. C'est l'histoire de Camille. Camille, elle a 16 ans, elle est partie faire une balade avec son papa et au retour, elle s'est faite abattre par son ex-petit copain. Le papa a été abattu aussi, son ex-petit copain qui a 19 ans. Alors quand on est jeune, qu'on est ado comme ça, on peut peut-être péter un plomb. Comment est-ce qu'on peut contrôler ses émotions quand on est ado? Comment est-ce qu'on peut aider en tant que parent les ados qui vivent leur première rupture quand on est dans une histoire amoureuse et qu'on est jeune? Ben voilà, quand c'est la première fois, c'est pas facile, on a le cœur brisé, sans aller jusqu'à des drames comme celui qu'on a connu en Belgique ce week-end. On peut peut-être aider justement tous ces jeunes à vivre cette première rupture. Alexandre Bacro, vous êtes sexologue, clinicien et hypnothérapeute. Vous allez pouvoir nous éclairer dans tout ça. Bonsoir Alexandre. Alors on va juste essayer de récupérer la connexion téléphonique avec une bonne qualité. Levez peut-être un peu les bras pour faire antenne Alexandre. Ouais, là, je suis sur un pied, les deux bras levés. Ah ben parfait, ça fonctionne bien, ne bougez pas, tenez l'équilibre. Alors, sans que ça aille jusqu'à ce drame qu'on a connu ce week-end, c'est pas évident quand on est ado et qu'on connaît sa première rupture. Ah ben non, c'est pas évident, bien entendu. Maintenant, quand on est ado aussi, c'est la période où on acquiert un peu l'indépendance. Et donc, quand on a des soucis, on ne va pas non plus bien souvent aller en parler à ses parents. Tout ça dépend aussi de la relation qu'on peut avoir avec ses parents, hein, bien entendu. Alors ici à Libramont, ça c'est, enfin juste à côté de Libramont, ça s'est très mal terminé. Pour ne pas en arriver là, quels sont les conseils qu'on peut donner d'un côté aux parents, parce que justement il faut qu'il y ait cette relation qui permette d'avoir cette confiance et cette liberté de s'exprimer, et alors de l'autre côté aux ados. Alors moi je crois que la première des choses, c'est avant tout pour les parents d'être à l'écoute. De ne pas trop poser de questions, de laisser venir l'adolescent vers soi. Si on se sent oppressé, on parlera pas, c'est ça? Bien souvent, oui, bien souvent. Mais je crois aussi qu'il y a un gros travail à faire. Moi, je pense au niveau de l'éducation, c'est très très important, et je crois qu'on ne fait pas assez de choses à ce niveau-là. Comme quoi? C'est-à-dire que de parler. Parler du respect de soi, du respect de l'autre, parler des relations garçon-fille. Voilà, je crois qu'au niveau des écoles, on pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec une direction d'école il y a de ça quelques mois. Et quand j'entends, quand l'on me dit qu'une infirmière du PMS vient ou venait 2 heures une fois en deuxième secondaire pour parler de sexualité. Bon, on est bien d'accord qu'en 2 heures, on va pas parler de grand chose. On va surtout parler de la grossesse, peut-être des IST, du sida. Et quand cette direction vous dit, mais vous savez, 2 heures, on a trouvé que c'était trop, donc maintenant on ne viendra qu'une heure. Là, moi, je crois qu'il y a un problème. Je pense qu'on ne parle pas assez, comme je vous dis, du respect. Apprendre aux garçons que quand une fille dit non, eh bien, c'est non. Apprendre aux garçons que quand une fille vous dit oui et après elle dit non, eh bien, c'est non. Ça reste non dans ce cas-là, oui, voilà. Effectivement. Donc, toutes ces choses-là, apprendre le respect. Donc, le message, il est clairement là. C'est un meilleur accompagnement, une meilleure formation à l'école, là-dessus. Ah, mais totalement. Mais à l'école ou au sein d'autres maison. Associations. Ouais. Oui, mais à la maison, c'est toujours un peu délicat parce que parler de sa vie affective, de sa sexualité avec les parents, ben voilà, c'est toujours un peu plus délicat. Mais espérons, Alexandre, que votre message sera entendu et que dans les écoles, comme on est en train de revoir petit à petit le programme, qu'il y a des nouveaux cours qui arrivent, que ça puisse peut-être y être inséré. Le cours de rien pourrait être très très bien utilisé. Eh ben, le message est passé. Merci Alexandre Bacro pour vos précisions et vos explications. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Il est 18h25. 5 à 7. Excellente soirée sur Vivacité. C'est l'heure où on s'arrête pour passer une petite tête en cuisine, voir ce qui s'y passe avec Candice Cotter. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, au rayon insolite et dernière tendance culinaire, voici je veux un tam-tam. Encore ? Allez, j'en sors le tam-tam. Tam-tam. Je vais le laisser dans le studio tout le temps. Hein. Je veux bien. Fort bien. La glace noire. Ouh ! Je fais bien, ça balle aussi. Hein. Très beau. Glace noire, les amis. Monochrome. Facile, vous la laissez pourrir. Non ! Vous la retrouvez quelques années après. Non ! Et alors, vous allez voir, c'est pas n'importe quelle glace, parce qu'on se dit glace noire, ça peut être chocolat. Non, non, non. Monochrome, elle est super inattendue. Elle en met plein les yeux. Je vous mets des photos sur vivacité.be. Vous allez voir, c'est extra. On verra rien. C'est noir. Non, vous allez voir. Non, non, non, vous gâchez le truc. Non, non, non, non, vraiment, vous allez voir, c'est juste magnifique. Elle s'annonce déjà comme le nouveau phénomène qui enflamme les foodies. C'est dingue, vous avez des photos de ça qui déferlent sur le net. Donc, vous avez cette couleur insolite. Elle existait dans le secteur de l'alimentaire. Hein, donc, il y a déjà d'autres glaces qui ont été tentées. Hein, glace à la réglisse, glace à l'Oreo, glace à l'encre de sèche, glace avec des colorants synthétiques X ou Y. Mais cette crème glacée est tout à fait différente. Pourquoi ? Parce qu'elle s'appelle la Black Coconut Ash. Donc, littéralement, les cendres de noix de coco brûlées. Elle a un goût très particulier. Elle est 100% dark. Donc, si vous êtes amateur de sensations fortes en goût, en couleur, c'est vraiment pour vous. Quand on interroge le créateur sur la couleur de la recette, il explique que sa crème glacée se compose de crème de noix de coco, de lait de coco, de flocons de noix de coco, pas de colorant artificiel d'aucune sorte. Et c'est ça qui fait la couleur, de morceaux de cendres de noix de coco brûlées. En fait, la cendre de noix de coco brûlée, c'est une sorte de charbon végétal. C'est un allié assez détox, en fait, qui était utilisé déjà dans l'industrie alimentaire, dans les produits détox à l'approche des vacances. Donc on se fait plaisir. Le seul truc, c'est qu'on évite de sourire à pleines dents après dégustation. Sinon, on n'emballe pas. C'est pas plus compliqué. C'est tout, ça, on en reste là. Donc on n'est pas du tout dans une glace au chocolat corsée avec un colorant noir. Pas du tout, c'est pas du tout le principe. C'est le glacier Morgenstern Finest Ice Cream à New York qui a créé la glace noire et elle s'est répandue comme une traînée de poudre, sans mauvais jeu de mots, dans le reste du monde. C'est une vraie nouveauté, vous avez un goût léger de coco, c'est complètement gothique, ça secoue franchement les esprits, les papilles. Je vous mets des photos sur vivacité.be, c'est à découvrir, c'est à liker, c'est à tester, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Mais c'est la la même cendre qui est utilisée pour les barbecues. Vous savez, il y a les trucs de noix de coco pour les barbecues. Non, c'est comme si on croquait là-dedans. Non, les croquettes de. Les croquettes. Les briquettes, vous voulez dire. N'allez pas manger chez Candice. Hein, parce que elle met au fond du barbecue, elle met des croquettes et vous mangez des braises. Les briquettes de coco, rien à voir. Ah, okay. Non, c'est de la cendre de noix de coco brûlée. Donc on est vraiment dans de l'écorce de coco brûlée, fine et tout à fait tamisée pour avoir quelque chose d'extrêmement fin, extrêmement noir. On n'est pas dans la tendance je mange mon barbecue. C'est okay, pas ça, Cyril. Non. Ça me rassure. Eh ben, on va voir ça sur vivacité.be. Et ça goûte la noix de coco en l'occurrence. Merci Candice. À demain. À demain. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte, tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans ? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore Essoliver. Info sur poincaré.eu. L'ouverture de la saison de l'OPRL. Au programme, l'imposante symphonie Titan de Mahler et Thomas Zehetmeyer en invité dans Bartok. Le 22 septembre à Bruxelles et le 23 à Liège. Ne manquez pas l'ouverture de la saison de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Info ticket 04 224 x 0 ou opérl.be avec Vivacité. Ben ouais, le rythme de la course était fort, il y a eu cet échappé là, mais bon alors après on a réagi, hein, hop, toute l'équipe, et voilà, on est en tête maintenant, c'est bien. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo, et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Cet été, changez de véhicule tout en conservant votre budget vacances. Profitez de conditions Summer Days chez Citroën Bruxelles sur plus de 900 véhicules d'occasion et de direction disponibles immédiatement. Rendez-vous dès maintenant chez Citroën Isère, Evair et Drogenboss. Citroën. Vous appréciez le talent ? Écoutez-le sur Vivacité. Voici les titres de l'actualité tout de suite sur Vivacité. David Riffon avec vous, bonsoir. Envoyer un email, faire un virement bancaire par internet. Si vous ne parvenez pas à faire ces opérations, vous êtes ce que la Ligue des familles appelle un illettré numérique. Selon ces chiffres, un Belge sur 5 serait incapable d'envoyer un mail, 1 sur 2 de faire un virement. La Ligue des familles réclame plus d'investissements et de formation pour celles et ceux que le PC rebute. Objectif, éviter l'exclusion sociale. Une fréquentation en baisse pour les parcs d'attractions et les activités touristiques en Wallonie. Et pourtant, le secteur a plutôt le sourire au moment de tirer le bilan de l'été écoulé. Tout d'abord, la dernière semaine de ce mois d'août n'est pas encore comptabilisée et il fait beau. Et ensuite, le taux de fréquentation des hébergements est lui de 70%. 8 responsables touristiques wallons sur 10 tirent donc un bilan positif. Par contre, Bruxelles fait grise mine. À 19h, nous évoquerons la visite du ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, aujourd'hui à Moucron. Le ministre a visité le commissariat de police. Même s'ils sont tout proches de la frontière française, les policiers ne peuvent pas la franchir pour traquer de potentiels criminels. Yann Yambon promet d'aborder le sujet avec son homologue Bernard Cazeneuve, même si une modification de la législation semble difficile. Le recueillement à nouveau en Italie aujourd'hui, une semaine après le terrible tremblement de terre qui a frappé le centre du pays. Une cérémonie solennelle se déroule à Amatrice, village pour ainsi dire rayé de la carte. L'évêque de Rieti célèbre la messe en présence du chef du gouvernement Matteo Renzi, du président italien et de Virginia Raggi, la maire de Rome. Le dernier bilan du séisme fait état de 292 victimes. Le sport et le football, nouvel entraînement aujourd'hui à Nerpède pour les Diables Rouges qui préparent leur rencontre amicale de jeudi face à l'Espagne. Et puis un mot de tennis, Cyril, US Open, Kirsten Flipkens n'a pas fait le poids face à la Roumaine Simona Halep. Au premier tour, l'Anversoise a été balayée 6-0, 6-2. Ah bah c'est pas cool pour elle. Merci David. On vous retrouve tout à l'heure à 19h. Là il est temps de tout savoir sur la météo. Dominique, beau temps, mauvais temps? Eh bien plutôt de bonnes nouvelles et un beau temps dès demain matin. Temps sec, bien ensoleillé. Les températures entre 23 et 27 degrés. À noter jeudi peut-être temporairement un peu plus de nuages et une averse isolée. Mais on va rester tout au long de la semaine dans des conditions estivales. La météo va se dégrader un peu apparemment le week-end prochain, mais pas trop. Merci Dominique. La météo, on vient de la faire, on part sur les routes du coup, c'est le RTBF Mobile Info. Marjorie Bilot, y a-t-il des soucis à signaler? Oui, toujours cette chaussée fermée sur le 19 Bruxelles-Valenciennes à Jemap. Évitez absolument le tronçon qui va de Ville-sur-Aisne jusqu'à Jemap vers la France. C'est un conseil parce que là vous êtes eh bien, toujours quasi à l'arrêt. Donc la chaussée est fermée suite à un camion renversé au kilomètre 60. Donc il y a deux embarras aussi de circulation sur les axes avoisinants Mons, comme la Nationale 6, la Nationale 552. Le R5A est bien chargé aussi. Alors une déviation est évidemment mise en place. Concernant le 42 Liège-Namur, c'est pas terrible non plus à hauteur de Huilleron. Suite à un accident impliquant 4 véhicules, il y a 6 km de ralentissement en amont avec maintenant une demi-heure encore supplémentaire en direction de Namur. Sur le ring, patience entre Tervuren et Wemmel vers Grand Bigard. À hauteur de Grand Bigard et plus loin de Zaventem à Léonard vers Waterloo. Et puis concernant eh bien, le 429, on a quelques fils depuis Hal en direction de Tournai si vous quittez Bruxelles. Le 411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Un petit peu de belles images dans cette émission, ça va nous faire du bien. On va en parler dans quelques secondes de ce bébé panda à Peridaisa. Il a fait ses premiers pas. On y revient dans un petit instant. On parlera de la tendance aussi de la rentrée. Comment être, quoi acheter finalement, que porter pour cette rentrée pour être hyper tendance. On verra ça dans quelques minutes aussi sur Vivacité. Dans ce 5 à 7, il y aura le best-of des enfants de cœur. On retrouvera Marc Toesca pour Pop Story. Et puis toujours des cadeaux à gagner, je vous le rappelle. Vous repartez avec vos 4 entrées pour Dinan Évasion pour le parc Dinan Aventure. Vous inscrivez maintenant, vous envoyez Ravel, puisque c'est dans le cadre du beau vélo de Ravel que je vous offre ça. Ravel au 60,03 pour 75 centimes. Le message. Revenons-en à ce bébé panda. On a vu les premiers pas de Baby P aujourd'hui sur rtbf.be. Alors il est né il y a quelques mois maintenant, c'était le 2 juin. Le bébé panda dont tout le monde a parlé à l'époque, et il a fait ses premiers pas aujourd'hui. Il a été filmé en train de tenter de marcher sur ses petites pattes. Alexandra Vidanovski, vous êtes porte-parole de Peridaisa. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Céline. Bienvenue dans ce 5 à 7. Alexandra, vous l'avez vu, vous, en vrai, ce Baby P faire ses premiers pas? Ah, ben oui, oui, j'étais là. Ah, il y en a qui ont de la chance quand même. Oui, par ma vie. Ah, il faut être là au bon moment, c'est clair qu'il faut avoir de la chance. Alors, comment il va? C'est normal qu'il se mette à marcher maintenant, à tenter de marcher maintenant, ou il en avance, il est en retard? Alors, il va très très bien, il approche des 5 kilos. Donc il prend du poids tous les jours. Ah, c'est encore c'est pas assez pour le manger, on va le laisser grossir un petit peu. Non, vous n'allez pas le toucher surtout. Mais c'est normal qu'il pousse un peu sur ses pattes avant. Là, visiblement aujourd'hui, il a commencé à découvrir ses pattes arrière aussi. Pour nous, il est précoce, forcément. Je pense qu'on pense tous qu'ils sont toujours précoces. En principe, courir, vraiment courir dans l'herbe, il le fera que plus tard, vers 5-6 mois. Bah, et c'est un bébé intelligent alors, un bébé fort quoi. C'est un bébé fort, oui, clairement. Vous le nourrissez à quoi pour qu'il soit en avance? Au lait maternel. Ah bah c'est une super maman alors, ça doit être ça. Oui, c'est une super maman. Oui, il a toujours été tonique hein, dès la naissance. C'est un bébé, en moyenne ça fait 120 grammes, il faisait 171 grammes. Il criait déjà très très fort. voilà, il a du caractère, donc on peut que continuer à le motiver. On pense qu'il courra peut-être plus tôt que les 5 mois. Et alors, il a des contacts avec son papa? Parce que là, depuis le début, il était avec sa maman. Est-ce que maintenant, ils arrivent à se voir, ils se croisent avec son papa ou c'est pas son problème encore? Il se voit, les deux enclos intérieurs en fait sont séparés par des vitres. Ouais. Donc à travers les vitres, papa voit les bébés. Alors il a encore l'air de pas très bien comprendre ce qui s'est passé. En même temps, c'est pas réellement lui qui l'a fait. On rappelle que c'était une insémination artificielle. Oui, mais c'est quand même lui le géniteur. Oui, c'est ça. Donc, mais sauf qu'il n'était pas là au moment où ça s'est fait, quoi. Ouais, mais je pense qu'il reconnaît de traits. Non, mais donc voilà, donc il les regarde, il les observe, il est très curieux. le papa, mais je pense qu'effectivement, il se demande un peu ce que c'est cette boule de poil qui fait beaucoup de dodo en fait pour l'instant. Hein. Donc quand il fait pas ses pompes et qu'il essaye pas de marcher, il est forcément fort fatigué, donc il dort pas mal de temps comme beaucoup de bébés 3 mois. Tiens Alexandra, petite question pratique. L'espace, il a été fait à la base pour avoir Ao et Xingzui. C'est quoi le deuxième? Ouais, c'est ça. Ben, vous le dites bien. Voilà. Il y a assez de place pour avoir le troisième bébé quand il sera. Enfin donc le troisième, le bébé quand il sera plus grand ou pas? Alors tant que la relation entre maman et bébé se passe bien, il n'y a aucune raison de les séparer. Mais s'il y a besoin, on a effectivement encore de l'espace pour créer un troisième espace de vie pour le bébé quand il est trop grand. Si jamais on voit que la maman n'a plus trop envie, parce que voilà, dans la nature, à environ 3 ans, les enfants quittent leur maman et partent vivre leur vie tout seul. Donc comme chez nous, 3 ans, ils prennent leur appart. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc, oui, on lui a déjà préparé un appart, si vous voulez. Merci Alexandra. Vous transmettez toutes les amitiés à Baby P de la part de l'équipe de Peridaiza, de Vivacité. J'y manquerai pas. On vous a tellement au téléphone que j'ai l'impression qu'on est chez vous, qu'on travaille pour Peridaiza presque. Ah, mais vous êtes toujours les bienvenus. Eh ben, merci Alexandra. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. Il est l'heure de retrouver tout de suite Marc Toesca. Alors, on quitte l'univers des pandas carrément. On va retrouver l'univers musical que vous aimez tant. L'histoire de vos hits préférés. Eh bien, c'est tous les soirs ici sur Vivacité dans le 5 à 7. Voici Pop Story. Pop Story. Pop Story. Marc Toesca. Parmi les grandes influences de la pop internationale, la musique des Andes, de Bolivie, d'Argentine ou du Pérou tient une part très importante. En 87, l'évanescente Safo, chanteuse aux origines multiples, et son compañero Jairo, chanteur argentin à tendance playboy et idole de la variété des années 70, font un carton chez nous avec Duerme Negrito, la reprise d'une berceuse traditionnelle que l'on chante aux enfants à la frontière du Venezuela et de la Colombie. Dans les années 70, que la mode du bonnet à pompons qui pendouille et du poncho en laine de lama culmine au sommet des hit-parades, notamment avec Simon & Garfunkel. Le duo new-yorkais a la bonne idée d'adapter El Condor Pasa, qu'un musicien péruvien, un poil mythomane, leur présente comme un chant traditionnel de chez lui, datant du 18e siècle. Enroulés dans des ponchos aux couleurs chatoyantes, nos chanteurs de variété et autres artistes idéalistes délaissent alors Katmandou, passé de mode, pour vanter les charmes de l'Amérique latine. Complètement barrés dans les mystères de ces civilisations ancestrales, Marianne Mille et Maurice Dulac chantaient l'amour, la paix, la solidarité entre les peuples et le dur labeur des paysans des hauts plateaux sur des airs tirés du folklore local comme « Dis à ton fils ». Dis à ton fils qu'il doit rentrer, le mulet est déjà prêt. Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique? Il a son fusil sur le dos, il t'attend près du ruisseau. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Dès demain, nous serons dans la montagne. Attends un peu, je te connais toi. Marc Toesca. Pop Story. Marc. Je te paladis. Et c'est encore dans les années 70 que le groupe péruvien Los Ilusionistas enregistre La Colegiala, qui sera réadaptée quelques années plus tard par Rodolfo Isutipica. Cette version est peut-être devenue la plus célèbre de toutes les musiques d'Amérique du Sud depuis qu'une célèbre marque de café filtre l'a choisie au tout début des années 80 comme musique pour ses spots télé. Et personne n'a échappé à ce spot de pub pour une marque de café filtre, la Collegiale 1982, Rodolphe et su Tipica. Pop Story. L'histoire des le 5 à 7 n'est pas terminé jusqu'à 19h. Je suis encore là avec vous et on va parler des temps, des tendances 2016. Qu'est-ce que vous devez porter pour cette rentrée? Quels sont les accessoires à acheter? On fait le tour dans deux petites minutes dans ce 5 à 7 sur Vivacité. On retrouvera les enfants de cœur aussi, le best-of comme tous les soirs dans l'émission. Et puis, on saura quelles sont les villes, quels sont les pays surtout, qui sont les plus accueillants pour les expatriés. On s'est arrêté à la 5e position, donc on sait qu'en 6e, il y a le Costa Rica, en 7e, l'Australie, 8e, l'Autriche, 9e, le Luxembourg, 10e, République tchèque. On découvre la tête de ce classement dans quelques minutes sur Vivacité. Et vous me dites, vous, au 3063 par SMS, si vous avez déjà eu l'occasion de vivre à l'étranger pour le boulot ou si c'est votre rêve. Quelle destination? 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Avec ces nouvelles chaussures Brentano, votre enfant fera fureur à la récré. Non seulement elles sont super cool, mais elles sont aussi hyper confortables. Et notre scan des pieds en 3D sait exactement quelle est ta pointure et combien de temps tu la porteras. Ainsi, maman aussi est contente. Ce n'est pas tout. Jusqu'au 4 septembre, profitez de 15% de réduction sur toute la collection enfant. Infos et conditions, brentano.be. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'avenir.net et la Wallonie. La 2 en télé. Ce que je vais te raconter est top secret. Le projet de démanteler la plus grosse société au monde. Tous les dossiers de crédit, d'hypothèques ou encore de prêts immobiliers seraient intégralement effacés. Si tu fais ça, tu déclencheras la plus grande révolution. Mister Robot, les deux premiers épisodes, ce mercredi, sur la 2. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Tip-top. Du lundi au vendredi, la quotidienne. Dès 19h, Philippe Jauniaux vous fait découvrir les coups de cœur de Vivacité, les toutes dernières nouveautés et les titres les mieux classés dans l'émission du samedi. Numéro 3. Take off your clothes, blow out the fire. Numéro 2. Numéro 1. Et samedi dès 10h30, découvrez le nouveau classement avec Thomas Loridez. Tip Top. 6 jours sur 7 sur Vivacité. 24 heures sur 24 sur vivacité.be. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. 5 à 7 avec Cyril. Depuis tout à l'heure, je vous dis que je vais vous donner le top 10 des pays où on est le mieux quand on est expatrié. C'est un site qui a fait ce classement. Internation, 14 000 personnes ont été interrogées. Ce sont des gens qui vivent à l'étranger, qui sont expatriés, 174 nationalités différentes. Et dans ce classement, il y a un mélange entre la liberté financière qu'on peut avoir dans ces pays et puis la qualité de vie, avec l'offre de loisirs, le bonheur personnel, les transports, les voyages, santé, bien-être, sûreté, sécurité. Alors en cinquième position de ce classement, il y a la Nouvelle-Zélande. En quatrième, musique, devinez de quel pays il s'agit. Le pays des pépitos. On est au Mexique, en quatrième position. Au troisième, c'est l'Équateur. Deuxième place de ce classement, c'est Malte. Et alors, le pays où les expatriés se sentent le mieux, eh bien, c'est Taïwan. Je ne sais pas où vous aimeriez, vous, aller à l'étranger. Vous pouvez encore me le dire par SMS au 3063. Il y a Pierre qui a envoyé un message en disant « Je regarde pour partir travailler au Canada et y habiter. » Alors, c'est un autre style, mais c'est bien sympa. C'est vrai que les Québécois sont très accueillants. « Je suis actuellement en Belgique, mais je vis en Italie. » Eh bien, bon séjour. Je ne sais pas si c'est professionnel ou vacances, mais à vous. Et alors, n'hésitez pas à continuer à nous dire quelles sont les destinations, vous, qui vous parlent, qui vous font rêver. 3063 par SMS. Émilie Van de Poel est avec moi ce soir. Vous êtes journaliste chez Flair. Alors, l'idée avec vous, on va pas parler forcément voyage, mais votre destination idéale pour travailler, ce serait quoi, Émilie? Bonsoir. Bonsoir, Cyril. Ce serait pour quoi votre destination? Ouais. Mais c'est la Belgique, enfin. Ah, mais un autre. Franchement, pourquoi pas aller à New York. New York, bosser, pourquoi New York? Ouais. Mais parce que comme je travaille dans la mode et la beauté, c'est quand même voilà, c'est quand même une plaque tournante de la mode et je pense que ça peut être assez intéressant. Alors justement, la mode, on en parle, c'est la rentrée, oui, rentrée scolaire dans quelques jours. On peut presque parler d'heure maintenant, c'est jeudi la rentrée pour les plus petits. Et c'est quoi les trucs à avoir pour être tendance pour cette rentrée scolaire ou professionnelle, Émilie? Eh bien, Cyril, il y a donc la fameuse veste bomber, donc la veste aviateur, qui est toujours là, qui est là depuis maintenant c'est 2 ans. C'est celle en cuir, ça Non, c'est celle un peu matelassée, un peu... Ah oui, celle qui fait bonhomme oui. Michelin quand... Non, c'est celle qui fait un peu aviateur, qui est à la base... Bonhomme Michelin dans un avion. Pilotes, qui avait été conçue pour les pilotes de chasse aux États-Unis et qui en fait est devenue maintenant la veste de toutes les fashionistas qui se respectent. Donc là, elle est partout. On la voit dans toutes les matières, en satin, en soie, avec des broderies. Enfin, c'est une pièce à avoir de toute façon dans son dressing. Même si elle est dans toutes les matières, on n'oublie pas que c'est la ouate qu'elle préfère. Voilà. Voilà. Sinon, il y a quoi d'autre ? Bravo. Alors, on va passer à la suivante, je crois. Oui, alors, c'est mieux. On a... Oui, c'est bien. Ah ben, justement, on est à l'autre veste, mais la veste Michelin. Bonhomme Michelin, la veste doudoune. Bah, oui, on peut la ressortir. C'est la même alors. Oui, non, c'est l'autre. Mais non, la veste aviateur. Vous voyez bien, la veste aviateur. Attendez, je cherche sur Google Images, excusez-moi, Google. Parce que veste aviateur. Voilà. Bomber. Bomber. Voilà. Vous pouvez le faire en même temps chez vous à la maison, oui, bien sûr. Oui, googlez tous, voilà. Alors, tout et le monde vous Google. Voyez bien que ce n'est pas la veste Michelin. La veste Michelin, c'est vraiment le bonhomme Michelin. Ah la veste oui, doudoune, d'accord, en je duvet, vois. Vous voyez, hyper chaude, hyper confortable. Voilà, ça c'est l'aviateur. Exactement. Ok, c'est ça. Et l'autre, donc, c'est le bonhomme Michelin. On peut tomber, on a pas mal. Elle est nickel. Elle est super chaude, elle est hyper agréable. Et avant, on n'osait pas la porter parce qu'elle était un peu asbine, mais elle revient vraiment, elle revient dans les magasins. Okay. Ensuite, on joue beaucoup sur des nouvelles matières. Il y a le velours qui fait son apparition, mais partout. Que ce soit pour les pantalons, que ce soit pour les accessoires, c'est la matière. Ça avait un peu disparu, le velours. Le velours avait complètement disparu, était aussi devenu un peu ringard. Est-ce que c'était une mauvaise nouvelle, justement, qu'il ait disparu, non. Ce velours ? Ah, c'est la mode, c'est cyclique, donc c'est bien. Il part pour mieux revenir. On va pouvoir recycler les vieux canapés, donc. Oui, peut-être. Oui, il y en avait plein en velours. On va faire des souliers. Donc, velours de retour. Le velours, on adore. La fourrure. Enfin, on adore, je ne sais pas. C'est de retour, mais je ne sais pas si on adore. Non, si, on adore. La fausse fourrure, hyper tendance aussi. Ah oui, c'est bien de dire la fausse, parce que sinon, on va avoir des problèmes. Hein. Ah oui, on va avoir des sérieux problèmes. Et en plus, je suis végétarienne, donc vraiment la fausse fourrure. Niveau couleur, on est à fond dans le mauve. Ouais. Donc le mauve, le jaune moutarde, l'argenté. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, avec ce que vous nous dites, donc pantalon, enfin on ressort le velours, la vieille veste un peu matelassée, le tout en mauve, j'ai l'impression qu'on va quand même au carnaval. Mais pas du tout, Cyril, parce que tout ça, c'est une question de parcimonie et de combinaison. C'est ça la mode. Ah. C'est arrivé justement à c'est combiner. C'est ça que j'ai pas compris. c'est une affaire de subtilité en fait. Ouais. Et donc voilà. Et il y a aussi la transparence. Ah, ça c'est intéressant. Il y en a qui ne jouent pas sur la subtilité, mais donc voilà, on a vu ça vraiment, c'est assez tendance. Au pas trop trop quand même. Qui dévoile un peu sa poitrine. Mais donc on joue vraiment sur des tiges transparents. On a également les épaules dénudées. Bon, ça c'est pas une grande première, sauf que maintenant, cette saison, on dévoile une épaule uniquement. Alors qu'avant, on les dévoilait toutes les deux. On choisit la plus belle. On choisit la plus belle des deux, exactement. Et puis alors, un accessoire qui revient aussi, qui est un peu inattendu, c'est la ceinture boucle cowboy. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais vous voyez donc les ceintures. Ah, la grosse boucle avec un aigle dessus. Exactement, la grosse boucle argentée. Non, pas celle-là. Ah non, c'est vraiment juste la boucle alors. Exactement. Et donc ça revient, mais en force, on va toutes emporter sur notre jean. Ça, c'est une certitude. D'accord. Demain, vous verrez à la radio, elles viendront toutes avec ça. Et bien quand je vous écoute, je me dis juste que j'espère qu'on n'a pas jeté les vêtements d'il y a 20 ans, parce que c'est la mais même c'est chose. Ça, il faut rien jeter. Et c'est pour ça, la mode, c'est génial. Il faut rien jeter, il faut tout bien mettre dans sa cave ou dans son grenier. Ouais, mais il faut pas bouger, il faut pas que le corps évolue non plus. C'est le problème, hein. De fait, c'est une excellente raison de faire un peu de sport. Voilà, Cyril. Merci, Émilie. Ah, il y a du message. Merci, Émilie. Je vous souhaite une bonne soirée. Aucun message, aucun. À bientôt, Émilie. Il est l'heure tout de suite d'en retrouver le best-of des enfants de cœur dans le 5 à 7 sur Vivacité. Les enfants de cœur. Donc, ça se passe il y a quelques années chez Hablé. Vous voyez où c'est, chez Hablé ? Magasin d'animaux à Liège. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y avait juste derrière une plaque, c'était privé, c'était un café pour animaux. Et en fait, dans ce café pour animaux, il y a des tables normales, hein, pour les animaux normaux, des grands tables pour les impalas, les gnous, les girafes, et des petites tables pour les insectes. Et il y a une table normale, il y a 3 animaux, il y a un lapin, un renard et un ours qui sont là, et ils sont en train de commander des bières, c'est l'autruche qui sert, c'est Jean-Marie. Et... ça se passe bien. Et ils sont là, ils râlent, parce qu'ils ont tous les 3 18 ans, et ils viennent de recevoir les papiers. Vous vous souvenez, à l'époque, il y avait des papiers, hein, qu'on devait aller au service militaire, ils ont leurs papiers, ils sont là, on va se crever. On va aller perdre son temps à l'armée, et il faut qu'on trouve quelque chose, hein, on le fait NSA, hein. Et le premier, et qui fait, tu sais quoi? Il faudrait qu'on se ferait réformer, Valère. Ouf, c'était une bonne idée, René. Ouais, mais comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, si tu veux, écoute-moi bien. Il faudrait qu'on n'aurait pas quelque chose que ce cours-là qu'on n'ait pas réformé, le fait de ne pas l'avoir réformé, celui qui ne l'a pas, alors que celui qui l'a n'est pas réformé du fait qu'il l'a. Tu n'as pas un exemple? Si, hein, regarde bien, toi le lapin, t'as des grandes oreilles. Eh bien, si on te coupe tes oreilles, tu vas être réformé. Un lapin sans oreilles, ça ne sert à rien sur le champ de bataille, tu vas être réformé. Ouais, mais enfin, les gars, c'est mes oreilles. Tracastin, hein, on va boire des bières. Jean-Marie, viens un peu. Un peu, un mètre de bière. Ils boivent un mètre de bière. Après un quart d'heure, ils sont tous les trois sous, ils prennent le lapin, ils le clapent sur la table, un grand couteau. Il lui coupe ses deux oreilles, un bandeau autour de sa tête, et il part au petit château. Il va faire ses trois jours. Il revient après ses trois jours, il rentre, et il fait yes! Les autres, ils ne gueulent pas. Je ne m'entends plus, hein! Mais oui, mais non, c'est pas ça. Mais quoi, réformer? Ouais. Et pourquoi? Les oreilles, hein, la pince sans oreilles, je suis réformé au petit extra. Viens, viens, viens, attention avec nous, on va boire des bières. Il commence à boire des bières, il se retourne vers le renard. Pas de couper ta queue, hein, grand. Oh, non, non, non, les gars, c'est toute ma fierté, etc. Oh, mais bon, tu ne veux pas faire ton service. Un renard sans cul, tu ne vas pas le faire. Ouais, mais ça va me faire mal. Non, non, tu as casse-neige, Jean-Marie. Viens un peu, mets des bières, mets des paquets dedans, parce qu'il va avoir mal. Ils boivent pendant une demi-heure, ils sont tous les trois pleins, ils mettent le renard sur la table, un grand couteau, pouf, il lui coupe sa queue, un linge autour de son cul, et il part au petit château. Il revient trois jours après, ça pique encore un peu. T'sais. Yes! Et les deux autres, ça a été... Ouais, réformé. Oh, pourquoi toi? La queue, un renard sans queue, c'est... Foutistra, viens, viens, attention avec nous. Non, non, reste debout, tu vas avoir mal. Viens, viens, viens. Il recommande des bières et... Il y a deux qui boivent, le renard, l'ours qui est là, qui ne boit pas, il était assis. Les gars, je n'ai pas une grande queue, je n'ai pas des grandes oreilles, je ne vois pas. Il y en a deux qui font, ben, on va te péter tes dents, ouais. Ça va piquer, hein, non? Non, non, tracasse-neige, Jean-Marie! Viens un peu des chartreuses et des bazars qui fument. Ils boivent pendant une heure, après une heure, et c'est un caburet dans la bouche de l'ours, il lui pète toutes ses dents, ils font tomber des morceaux de gencives, un bout de langue, enfin bref. Ils prennent le linge du cul du renard et lui clapent dans sa gueule. Et il part au petit château. Il revient après trois jours et il fait « Yes !» Comment ?« Yes !» Et quoi ? Réformé ? Ouais. Et pourquoi ? Trop gros. C'est un gars qui se promène à Droix, vous voyez Droix, hein ? C'est le Scarbé. C'est en province de Liège. Voilà. Et donc il se promène avec son petit chien, il est là, il a fait sa retraite, c'est un petit chien, il a un petit chien, un petit chihuahua. Vous voyez, oui. Ça ne sert à rien, hein, ça. Ça chie, ça fait wawa, c'est tout. Et le gars, il promène son petit chien, mais avec une laisse. Tu sais, c'est le genre de laisse où quand tu appuies, le chien revient. Oui. Le problème, c'est que c'est pas assez lourd, ces chiens-là, tu vois. Donc ça fait... Et il joue avec son chien, et à un moment donné, dans une des tours, il entend du bruit. Il lève ses yeux, comme ça, il voit sur une terrasse au 10e étage un gars avec une grande djellaba, des babouches, grande barbe comme ça, un pot de fleurs sur sa tête. Et le gars est en train d'épousseter un grand tapis d'Orient. Et l'autre, il lève ses yeux, il fait « Et quoi, grand, il ne démarre pas ?» Pour écrire aux Enfants de cœur, notre adresse, c'est lesenfantsdecoeur@rtbf.be. Et on les retrouve dimanche, bien sûr, sur Vivacité. Soyez là dimanche matin. Et d'ici là, vous les retrouvez sur vivacité.be. Stéphanie est avec moi pour terminer cette émission. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Cyril. Vous avez envoyé un petit message tout à l'heure, le code Ravel, pour partir à Dinan Aventure. Ça vous dit de grimper dans les arbres et de faire plein de trucs de fou? Oh oui, bien sûr. Vous allez faire ça en famille? Bien sûr, tout à fait. J'ai des participants qui sont déjà prêts. Ah ben, c'est les enfants, je suppose. Oh, les enfants, le mari... J'ai l'impression qu'on fait un ni oui ni non, Stéphanie. Vous ne répondez jamais par oui ou par non. En tout cas, c'est gagné. Si c'était un ni oui ni non, vous l'auriez remporté. Vous repartez avec vos quatre entrées donc pour Dinan Évasion, le parc Dinan Aventure. Je vous souhaite une bonne soirée, Stéphanie. À bientôt. Merci beaucoup, Cyril, également. Au revoir. Et merci à Vivacité. Avec plaisir. On vous embrasse, Stéphanie. Voici Philippe Joliot tout de suite pour le Tip Top. Comment il va? Sur un plateau, il va bien. Bonsoir, Cyril. C'est jusqu'à 20h avec de la bonne musique que vous allez nous accompagner. 40 titres classés, les tip-top d'aujourd'hui, les tip-top d'hier. On aura du cadeau aussi. Et la suite de l'interview exclusive de Céline Dion. Ah pas oui, mal, ça hein. C'est énorme. C'est ça, chouette. C'est... Ah ouais. Imani, juste après les infos avec Don't Be So Shy. Et je vous dis à demain. À demain. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right.